RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Bonsoir à tous, bonsoir Eric, ravi de vous retrouver sur RQC 95 FM. On ne vous a pas tout dit, voilà le titre des 5 émissions débat que l'on vous propose de suivre chaque mois sur RQC sur les questions citoyennes. Bonsoir Séverine, on ne vous a pas tout dit, une émission proposée par le Centre culturel moucronois, RQC et la ville de Moucron. Et pour notre ultime rendez-vous, déjà j'ai envie de dire, oh là là. On vous réserve une émission exceptionnelle. Ce soir, ce sont nos élus politiques locaux qui prendront la parole. Pour un débat, on l'espère, sans langue de bois, à un peu plus d'un an des élections communales, un représentant de chaque parti démocratique sera questionné sur les sujets que l'on aura abordés lors des 4 émissions précédentes, c'est-à-dire l'économie, les aspects sociaux, l'environnement et enfin la gouvernance et la citoyenneté. Nous avions contacté les journalistes issus des principaux médias régionaux, Nord et Clair, Vers l'Avenir, La Dernière Heure et nos télés, afin qu'ils interpellent nos responsables politique au cours de cette soirée, tous à part le Nord et Clair, ont décliné pour une raison ou une autre notre invitation. Cela nous laisse quelque peu perplexes. Mais nous remercions d'ores et déjà Mégane Marsotto du quotidien Nord et Clair qui a accepté de se prêter à l'exercice. Bonsoir. On ne vous a pas tout dit, c'est en direct et en public dans l'espace André Souns de RQC. Nous sommes ensemble pendant les 2 heures à venir, à mon avis un peu plus que 2 heures. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. En janvier, c'est l'économie qui ouvrait le bal des émissions de « On ne vous a pas tout dit ». Et le premier sujet que nous aborderons ce soir est l'emploi. 13%, c'est le taux de demandeurs d'emploi à Moucron en décembre 2016. Selon les chiffres publiés par le Forem, cela représente quelque 3103 demandeurs d'emploi inoccupés sur une population active estimée à 23 867 personnes. Il était de 14% en décembre 2015 et pour comparaison, il est fin 2016 de plus de 16% pour la province de Hainaut. Une embellie donc, modeste mais réelle. En Wallonie, la courbe des demandeurs d'emploi atteint les 15%. Contre 18% à Bruxelles et seulement 7,6% en Flandre. À Moucron, près de 950 personnes émargent au CPAS. 9% des travailleurs ont un job temporaire et ce sont surtout les 15-29 ans qui sont dans ce créneau. Et puis, il y a tous les jobs précaires, les aides à l'emploi, plan Activa, PTP, CPE, APE, plan d'embauche, dont parfois on se demande si c'est vraiment des plans d'aide à l'emploi ou des pièges à l'emploi. Nos élus moucronois sont nos invités ce soir. Chaque parti démocratique a désigné notre interlocuteur. Pour ce premier volet emploi, nous avons autour de la table Michel Franceuse pour le CDH, Marc Castel du MR, Christiane Vienne du Parti Socialiste et Simon Varas du groupe Écolo. Mesdames, messieurs, que vous inspirent ces chiffres? On commence par Michel Franceuse du CDH. Bien, je pense que les chiffres qui ont été cités sont réellement enregistrés. Il y a eu peut-être une petite baisse du chômage à Moucron, mais ça ne dépasse pas 0,5% récemment. On est toujours aux environs de 12. Le Hainaut, évidemment, est beaucoup plus mal en point, je dirais, au-delà de 15. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dedans. C'est que... je pense que nous devons travailler la formation. C'est un domaine quasi délaissé dans tous les secteurs. Même si nous avons réussi à accrocher à Moucron un centre de formation dans une discipline, je dirais, dans laquelle nous sommes très bons, c'est l'agroalimentaire. Ce centre de formation fonctionne à plein régime. Nous avons aussi le centre de formation pour le textile. On l'oublie souvent. On a l'impression que le textile est complètement disparu, ce qui est faux. Le textile à Moucron reste relativement bien portant. Je dis bien relativement. On sait toutes les difficultés du secteur dans l'ensemble des régions. Mais à Moucron, nous avons encore entre 800 et 1000 travailleurs dans le textile. Et les entreprises qui, évidemment, avec les nouvelles technologies, ont beaucoup moins besoin de travailleurs qu'autrefois, continuent de produire du textile de haute qualité. Donc, mais revenons à l'emploi, parce qu'en fait, l'emploi est évidemment une des préoccupations de tous les hommes publics, de tous ceux qui sont à la barre. Évidemment. Absolument. Et nous avons créé 2263 emplois directs, hein, ce qui représente 8,17% de l'ensemble des travailleurs. Je pense que c'est pas mal du tout. Nous avons bien sûr à continuer, je vous le disais, dans le domaine de la formation. Je regrette d'ailleurs pas que l'école provinciale s'en aille de Moucron, parce que je crois que un secteur que nous devons développer à Moucron, nous avons toujours été bons dans le secteur secondaire, un secteur que nous devons développer, c'est le tertiaire. Je le dis depuis des années, même si nous n'y arrivons pas. Parce que ce serait un bon moyen de retenir à Moucron nos intellectuels, ceux qui ont fait des études, souvent doivent s'exiler, aller vers Bruxelles, aller en France pour trouver du travail qui correspond à leur qualité. Si on supprime tout ce qui nous reste d'enseignement supérieur, il est certain que ça ne va pas stimuler cette recherche. La formation est la clé de l'emploi pour vous aussi, Marc Castel, du MR. Oui, c'est clair que cette formation est quelque chose de très important. Et je ne vais pas être redondant par rapport à ce que dit Michel, mais c'est vrai que quand on a un secteur tel que l'agroalimentaire... Qui représente 37%. Ouais. Il est clair que là, on a besoin d'une formation bien pointue pour cet agroalimentaire. Même chose pour le textile. On a cité le textile qui a connu ses heures de gloire, mais qui maintenant, malheureusement, n'est plus ce qu'il était, mais a comme toujours des niches. Oui, dans une spécificité, et je crois que cette formation au niveau des spécificités doit pouvoir se faire en synergie avec les écoles. Pour ça, ce n'est pas toujours évident, ne fût-ce qu'au niveau des moyens qu'on peut mettre dans les écoles pour pouvoir avoir certaines machines, bien qu'on peut, avec les CFA, travailler directement en entreprise tout en étudiant à l'école. Mais la formation, nous sommes dans les bons élèves, et malheureusement, 13%, c'est encore toujours de trop. Si on veut descendre la barre en dessous des 10%, ce sera que par la formation. Je voudrais dire par rapport aux chiffres aussi que j'ai tendance à être assez optimiste parce que dans notre région, tout cet emploi, c'est beaucoup à travers des PME, 5 à 50 personnes. Et donc, on n'a pas le risque qu'en certaines régions, on a connu le problème de Ford à Genk, le problème de Caterpillar à Charleroi, où là, quand une entreprise ferme ses portes, ce sont plusieurs centaines de personnes et donc de familles qui en pâtissent. Tandis qu'ici, c'est toujours dramatique quand on perd un emploi, quand une entreprise ferme, mais il n'y a pas cet impact qu'il y avait dans d'autres régions. Vous avez le même sentiment que Marc Castel, Simon Varas? Moi, je voudrais surtout insister sur deux choses, parce que les constats, je pense qu'on peut les partager. Maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que Écolo mettrait en place s'il était au pouvoir à Moucron? Et je pense qu'on pourrait mettre l'accent sur deux choses. Premièrement, c'est la maîtrise des langues, parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une série d'emplois qui existent en Flandre et qui ne sont pas forcément captés par les Moucronois. Pourquoi? Peut-être par un manque de maîtrise de la langue. Et alors, il y a une deuxième chose, moi j'aimerais, si demain Écolo est au pouvoir à Moucron, qu'on mette le paquet sur toute une série d'initiatives innovantes qui n'existent pas vraiment. Il y a des balbutiements qui existent, mais on est encore assez loin de ça. C'est tout ce qu'on appelle, par exemple, les espaces collaboratifs de travail, permettre à toute une série de jeunes qui ont envie de se lancer, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une cellule commerciale ou d'acheter un bureau, enfin, ou de louer un bureau, de permettre à toutes ces personnes d'avoir un endroit où elles peuvent travailler, un endroit où elles ont accès à tout le nécessaire en niveau informatique, Internet, etc., et où elles peuvent aussi construire des contacts avec d'autres personnes. Christiane Vienne, quelque chose à rajouter, j'imagine? Oui, quand même. Oui, pas mal de choses. Je pense que l'emploi à Moucron est tout d'abord et avant tout créé par des entreprises flamandes qui s'installent. Donc ça, c'est un fait. Il y a beaucoup d'entreprises flamandes dans nos zonings. Nous avons vécu pendant quelques années la concurrence, je dirais, de travailleurs français qui bénéficiaient d'un avantage fiscal qui, quelque part, n'était pas du tout en faveur de nos travailleurs. Et ça, la page est tournée. Donc aujourd'hui, c'est un peu choquant d'entendre dire 13%, on est de bons élèves, on est moins mauvais que les autres, quoi, mais on n'est pas bon. Mais en même temps, il y a des aspects très très positifs. de la main-d'œuvre moucronoise, c'est notamment la mobilité. Donc les moucronois, même s'ils ne le font pas assez, mais ils vont aussi travailler en Flandre. Oui, la frontière linguistique. La frontière, et il ne faut pas nécessairement parler néerlandais pour aller travailler en Flandre dans pas mal d'entreprises. Donc ça, c'est un point fort de notre main-d'œuvre qu'on ne met sans doute pas suffisamment en avant. Autre point fort de notre main-d'œuvre, c'est qu'on l'a vu à travers l'histoire, Michel parlait du textile, on a une main-d'œuvre qui courageusement et avec une certaine efficacité et le soutien du Forum s'est reconvertie. Bon, les travailleurs, on dit toujours les travailleurs du textile, il ne faut pas oublier que c'était beaucoup des travailleuses. Beaucoup de ces femmes se sont recyclées, ont trouvé de l'emploi, notamment dans les maisons de repos, dans toute une série de secteurs autour de nous. Donc, nos résultats sont à analyser en fonction de notre réalité. Tu parlais de la question des aides à l'emploi. Donc, il y a une refonte totale des aides à l'emploi en ce moment à la région Wallonne. C'est un élément essentiel. Parce que parfois, les travailleurs ont l'impression que finalement, on les prend et on les jette en fonction des avantages que l'on va accorder au patronat. Donc ça, c'est inacceptable. C'est en train d'être revu. Donc je pense que là, il y a un élément fondamental. Et autre élément fondamental, la plupart des entreprises qui sont dans notre région, qui s'installent, le font aussi parce qu'elles ont le soutien de la région Wallonne et elles bénéficient des invests, elles bénéficient de toute une série d'avantages. La politique que l'on devrait pouvoir mener davantage, mais ça ne dépend pas des communes. Je pense qu'il faut être assez modeste, se dire si demain nous sommes au pouvoir, je ne suis pas certaine que l'on puisse changer fondamentalement les choses en matière de politique de l'emploi. Mais ce que l'on peut encourager, c'est avoir une relation avec les entrepreneurs et permettre justement d'avoir ce dialogue entre la formation, entre l'emploi et tout ce qui est présent sur notre territoire. Donc en matière de formation en entreprise, peut-être que là on peut renforcer, il faut certainement renforcer. Il faut renforcer aussi en matière de dialogue, parce que je ne suis pas certaine que nous soyons toujours bien informés des difficultés des entreprises, et alors on n'anticipe pas. Donc je pense qu'il y a une politique que l'on peut mener plus proactive et profiter de tout ce qui existe. Ceci dit, on n'a pas à rougir à Moucron parce que nous avons souffert d'une manière violente de la fermeture des douanes du textile et nous avons su garder une dynamique d'emploi, mais notamment grâce à nos outils, grâce à IEG, grâce aux dynamiques de tous les partis politiques, je dirais, pas seulement d'un. Moi, je voulais revenir justement sur les aides à l'emploi. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite pour accueillir les opérateurs de formation qui travaillent par exemple pour le Forum et qui ont des gens à mettre en stage, en entreprise, où il faut parfois réfléchir, jongler, travailler avec un boulier compteur pour avoir justement le bon timing pour pouvoir avoir quelque chose de fluide. Quelqu'un qui termine une formation, qui est prêt à aller à l'emploi, à un moment donné, il y a un frein pour le moment, en tout cas, alors c'est pas à Moucron, hein, c'est en Wallonie. Hein. Il y a un frein parce que ça ne correspond pas, ça peut correspondre à la demande de l'entrepreneur, mais peut-être pas une demande administrative, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, on va vraiment y aller et poser la question aux opérateurs de formation, que ce soit le Forum, que ce soit les opérateurs agréés par le Forum, qui travaillent pour le Forum, qui mettent des gens en stage, en entreprise ? J'ai un peu l'impression que ça se fait de manière un peu... Moi, j'aimerais rappeler que, en tant que chef du travail, j'ai créé, il y a maintenant une dizaine d'années, les stages en entreprise pour des travailleurs peu formés. Chaque année, il y a environ 160 personnes qui entrent dans un stage qui est défini par le service et aussi par les goûts et la formation préalable de la personne, même si, j'insiste là-dessus, cette formation est souvent précaire et peu développée. C'est vraiment cette clientèle-là qui est visée et je dois dire que les résultats continuent de m'étonner. Oui, je voulais intervenir là-dessus parce que je pense que globalement, beaucoup de gens qui sortent de formation trouvent du travail. Et parfois des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Ça ne signifie pas qu'ils en trouvent tous. Mais si je prends l'ensemble des opérateurs de formation, si je prends l'IFAPME, donc on oublie parfois qu'il y a aussi des gens qui vont se former pour des métiers manuels, boulanger, cuisinier, boucher. L'IFAPME a d'excellents résultats en termes d'intégration sur le marché de l'emploi. Si je prends tous les opérateurs de formation, je dirais pas seulement le Forem, mais tous les petits organes de formation qui sont là pour aider les gens à remettre le pied à l'étrier. Parce que parfois, on ne se rend pas compte non plus, lorsqu'on parle du taux de chômage, il y a ceux qui ont quitté l'emploi récemment et qui généralement sont encore dans une dynamique, et ceux qui parfois ont quitté l'emploi depuis très longtemps et où il faut vraiment retrouver le courage, la force, presque se reconstruire pour trouver un emploi. Et là, il y a des opérateurs de formation dont c'est la mission. Donc, moi, je ne sous-estime pas les résultats des opérateurs de formation, y compris le Forem. Il y a un aspect sur lequel les choses, la réflexion vraiment est en évolution, c'est tout le volet des formations techniques, c'est tout le volet de l'enseignement de promotion sociale, où là, il n'y a pas... Donc, tout ce qui reste, tout à l'heure, Marc en parlait, tout ce qui reste un peu école n'est pas en lien direct avec l'entreprise. Et ça, c'est un problème, c'est une difficulté. Parce que les jeunes qui sortent, parfois, ils ont à peine fait un stage. Et donc, après, ils se retrouvent dans des filières de formation bis et terre. Parfois, ça, c'est dommage, c'est du temps perdu. Je ne sais pas. Oui, Simon ? Oui, moi, je voudrais dire que c'est important, évidemment, qu'il y ait un lien entre l'école et l'entreprise. Mais je ne pense pas que l'objectif de l'école soit de former des petits soldats pour les entreprises. Je pense qu'il est beaucoup plus important que l'école forme des citoyens qui soient capables de s'adapter durant toute leur vie. Parce que je ne pense plus qu'on fait une carrière professionnelle dans la même entreprise du début jusqu'à la fin. Et donc là, je pense qu'il y a un enjeu primordial. Il faut clairement... former des gens qui puissent s'adapter dans les entreprises, mais pas forcément dans un truc hyper, hyper ciblé, mais plutôt tout au long d'une carrière professionnelle. Oui. Oui. Moi, je voudrais un peu scinder les deux entre ce que vous appelez les stages et les aides à l'emploi. Des stagiaires, c'est vrai qu'ils sont en formation. En tant que chef du personnel, chaque semaine, on engage des stagiaires, et pas seulement par le Forem, mais également par des ASBL, même pour du personnel d'entretien, la ville, tout ça. Donc là, ils viennent se former. Après, on a les aides à l'emploi des différents... Là, c'est parfois frustrant pour des gens, je peux comprendre. Quand quelqu'un obtient un PTP, c'est 2 ans, et on sait très bien qu'au bout des 2 ans, même si on est satisfait de la personne, nous ne pourrons plus continuer. Ou alors, ce sera un autre budget, il fallait le prévoir dans un plan d'embauche, ce qui n'est pas toujours facile. Donc il y a certains postes, hein, des éco-conseillers, on dit tiens, c'est des PTP. Des plans Activa, je connais des entreprises qui prennent pendant 2 ans, ils pourraient continuer après, mais ça n'est plus assez rentable. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant parce que ça correspond à un besoin. Au niveau de l'entreprise, on dit bien, on en a besoin. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y avait pas ces aides à l'emploi, le budget étant ce qu'il est, on engagerait moins de personnes. Oui. Et ces gens-là seraient automatiquement sur le carreau. Tandis qu'ici, ils participent à une sociabilisation. Ils se sentent utiles dans la société. Ils vont travailler, même si cette situation n'est pas pérenne pour eux. Au moins, ces aides à l'emploi leur permettent de remettre le pied à l'étrier et de ne pas rester... désœuvré. Oui, Mégane Marsotto du Nord-Éclair, du quotidien Nord-Éclair, est avec nous ce soir. Vous avez peut-être une question à poser à nos élus. Voilà. Bonsoir, Mégane. Bonsoir. Ah oui, on m'entend. Bonsoir à tous. Donc la question que je me pose à vous écouter, c'est est-ce qu'il existe à Moucron des postes permettant à des jeunes moucronois qui font des études supérieures de trouver une insertion professionnelle à domicile? Et dans le cas contraire, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée de manière à permettre l'installation d'entreprises qui pourraient les employer ? Parce qu'effectivement, il y a une population qui est peu qualifiée pour laquelle il faut de l'emploi, mais il faut aussi peut-être valoriser des offres qui correspondent à de nouveaux profils pour faire évoluer aussi la population moucronoise. Christiane Vienne. Oui, c'est une question vraiment intéressante parce que c'est une question que je me suis parfois posée parce que c'est un peu frustrant de se dire beaucoup de jeunes moucronois qui vont faire des études à Bruxelles ou à Liège ou ailleurs finalement ne reviennent pas travailler à Moucron. C'est clair qu'il y a un certain nombre de postes qualifiés à Moucron. Les entreprises, au contraire, de plus en plus, et c'est une vraie difficulté. Pour les raisons qu'évoquait Michel tout à l'heure, la demande des entreprises, c'est de plus en plus vers du personnel qualifié. Donc, du personnel qualifié, ça veut dire au minimum avoir fait un graduat ou un bac plus 2, et de plus en plus, on engage dans des entreprises moucronoises des ingénieurs. Et donc, il y a une... Parce qu'on a la chance d'avoir encore un tissu de PME qui est assez industriel. Mais maintenant, on a la chance aussi d'avoir beaucoup de jeunes qui étudient. Donc, notre petit marché moucronois ne s'est pas intégré tout le monde. Et en Belgique, finalement, en Belgique, on a un petit marché de l'emploi. Il faut bien se rendre compte de ce qu'on est. C'est jamais loin aller travailler à Bruxelles ou même aller travailler à Liège. C'est pas loin... On n'est pas isolé, donc on n'a pas la capacité de créer un marché de l'emploi qui peut absorber toute cette main-d'œuvre qualifiée, mais on trouve à côté, on trouve... Donc, on a des jeunes moucronois, mais je me rends compte de ça en allant à Namur ou ailleurs, dans mes pérégrinations professionnelles, il y a des moucronois partout. Et donc, c'est parfois amusant le nombre de fois où ça m'arrive de rencontrer des gens, on me dit « Ah, mais tu sais, moi, je suis moucronois. Hein. » C'est chouette. Développer le tertiaire. Oui, c'est clair. Simon, oui, c'est mon Varas. C'est marrant parce que tout est vraiment dans tout. Et donc, quand je me bats au conseil communal pour la mobilité, pour le fait qu'il y ait une offre ferroviaire attractive à Moucron, pour qu'il y ait 2 trains par heure pour aller vers Bruxelles. Ce n'est pas pour le plaisir d'avoir des trains, c'est vraiment pour permettre aux moucronois qui travaillent à Bruxelles d'arriver à temps le matin, de pouvoir revenir le soir de Bruxelles, mais d'encore habiter dans leur ville natale ou dans la ville de leur jeunesse. À l'heure actuelle, il faut se rendre compte que quelqu'un qui travaille à Bruxelles mais qui habite à Moucron, il ne sait plus revenir en train après 20h30. C'est quand même assez incroyable. Donc ça veut dire que c'est pas possible de décaler sa journée et de partir plus tard. C'est pas possible d'aller peut-être manger un bout avec les collègues. Non, c'est pas possible pour l'instant. Et donc c'est pour ça que je dis, on parle de l'emploi, c'est clair que c'est important, mais c'est lié avec plein d'autres choses, dont la mobilité. Heureusement, d'ailleurs, que beaucoup de nos jeunes sont, je dirais, des fanatiques de Moucron. Oui, c'est vrai. Que nos associations à Moucron sont extrêmement nombreuses et fertiles, parce que beaucoup sont attachés à la ville et, autant que possible, veulent y rester. Oui. On va peut-être passer donc au deuxième sujet de la soirée, donc le commerce. Le commerce souffre en Belgique. Depuis 1945, la moitié d'entre eux ont disparu. Et ce sont surtout les petits commerces qui paient le prix fort. Ils ne représentent plus aujourd'hui que 63%, alors qu'ils étaient 97% au sortir de la guerre. Les raisons de ce déclin sont multiples. Impact de l'e-commerce, concurrence des grands centres commerciaux périurbains, problèmes de mobilité et d'accessibilité. Bref, le commerce doit sans cesse se réinventer. Et Moucron n'échappe pas à la règle. Les habitudes des consommateurs ont-elles changé? La multiplication des centres commerciaux à la périphérie des villes tue-t-elle petit à petit les centres-villes? Faut-il revoir la notion de commerce de proximité? Quels sont les atouts et les faiblesses du commerce en centre-ville? Nous avons recueilli les impressions d'une commerçante du centre-ville. Alors, les atouts actuellement au centre-ville, 150 commerces indépendants qui représentent une assez grande variété de styles différents. Les faiblesses, elles viennent pas de nous. Elles viennent des décisions qui ont été prises ces 5 ou 6 dernières années avec la création de centres commerciaux à la périphérie qui peut-être étaient nécessaires mais qui maintenant offrent une surabondance. Pour attirer des jeunes commerçants ou des gens qui ont envie de se lancer dans le commerce indépendant, je pense qu'il faut viser ce qu'on appelle une zone franche, c'est-à-dire délimiter des quartiers, favoriser sous forme de primes, de loyers différenciés pendant un certain temps, pas tout le temps, mais pour, disons, donner une chance de démarrer et de faire une clientèle. Comment appréhendez-vous les travaux de la Grand Place? grand soupir, avec philosophie, mais quand même avec une certaine crainte quand on voit ce qui se passe au niveau de l'avenue du Parc. On se dit que le déroulement des travaux va certainement poser problème et la durée va être bien plus longue que celle prévue. Donc ça nécessitera pour l'hôtel de ville de faire une communication importante au niveau des arrivées et des sorties de ville. Comment voyez-vous l'avenir du commerce moucronois ? Si j'y suis, c'est que je le vois quand même avec un certain avenir. Je pense qu'il y a encore de la place pour les indépendants, mais au niveau de nos politiques, ils doivent aussi le montrer, le témoigner. Le projet Mosaïque a fait couler beaucoup d'encre, en fait encore couler. Quel est votre avis sur la question ? Je trouve que c'est une incohérence totale. Il arrive bien trop tard, après deux centres commerciaux qui existent déjà. D'ailleurs, à ce propos, on ne s'est jamais posé la question, et si on ne le faisait pas, qu'est-ce qu'on pourrait offrir d'autre ? D'ailleurs, ça fait partie d'un débat citoyen. Ça dépasse de loin l'idée de construire un centre commercial. Il y a tout autre chose là derrière. Il y a une réflexion sur le bâti, le non-bâti. Il y a une réflexion sur les zones périphériques. Il y a une réflexion sur la mobilité. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte. Moi, je m'y oppose formellement. Le troisième, c'est peut-être le centre de trop. L'accumulation de centres commerciaux par rapport à une situation où il n'y en avait pas du tout, ça crée une espèce de suroffre qui est intolérable. C'est la survie des petits commerces qui est en jeu, là ? Oui, Moucron ne s'est pas enrichi ces dernières années. Le porte-monnaie des Moucronois, il n'est pas fait pour aller dans trois centres commerciaux plus les commerces indépendants. Il y a des choix à faire. Il serait bon pour tout Moucronois d'éviter toujours de penser qu'ailleurs c'est mieux et de commencer d'abord par aller voir à Moucron si on trouve les articles dont on a besoin. Préférer Moucron, c'est aussi un acte citoyen. Oui, avant de réagir à ce témoignage, je tenais à préciser que ce témoignage avait été recueilli au mois de janvier. Voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer, Simon Varas, par exemple. Je pense que la majorité des arguments ont été dits. Hein. On a un projet commercial Mosaïque, donc l'ex-projet Cora, qui est encore envisagé, alors qu'il est complètement anachronique, alors qu'on a Main et Sabot qui est à côté, alors qu'on a à Moucron les Dauphins, et alors qu'on a un problème de dynamisme en centre-ville et dans les autres quartiers et les autres entités de Tigny, Herzouligne, de Moucron. À notre avis, il faut laisser tomber ce projet Mosaïque. C'est un projet d'un autre âge et il faut mettre le paquet sur le centre-ville, sur les quartiers, sur Dottigny, sur Luynes, sur Herzo. Ça, c'est quelque chose qu'on défend depuis très longtemps. Et j'ai l'impression que maintenant, si la décision va dans l'autre sens et qu'on accepte ce projet Mosaïque, on va s'en mordre les doigts pendant très longtemps. Et c'est évidemment les générations futures qui vont payer les pots cassés. Oui, Christiane Vienne, oui. Oui, vous voulez dire peut-être prendre la chose par l'autre bout. Qu'est-ce que l'on aime tous trouver dans le centre-ville ? Pourquoi est-ce qu'on va plutôt faire des courses chez un petit commerçant que d'aller au supermarché ? Je pense que... Enfin, moi, je vais beaucoup chez les petits commerçants, mais je vais aussi au supermarché. Ce que j'aime trouver dans un commerce de proximité, c'est la gentillesse, c'est l'accueil, le c'est des conseils, ce sont des bons produits, c'est tout ça. Je dirais, c'est cette ambiance qu'on retrouve tout de même chez la plupart des petits commerces moucronois. Mais si le commerçant vend exactement ce qu'on peut trouver moins cher au supermarché, il a peu de chance. Moi, si je vais chez le boulanger dans le centre de Moucron, c'est parce que j'ai envie d'acheter un pain qui sera meilleur que celui que je vais acheter à Deleuze. S'il est moins bon ou si c'est le même, il n'y a pas de raison. On a envie, et ce qui manque peut-être dans le centre de Moucron, mais je suis très optimiste par rapport à la rénovation du centre-ville, parce que ça va déjà donner une autre ambiance, un autre climat, c'est une offre commerciale qui soit un peu plus cohérente. Et ça, c'est aussi, ça dépend aussi des politiques. Je dirais, on peut orienter l'offre commerciale, on peut lui donner, je dirais, on peut pousser et encourager un type de commerce plutôt qu'un autre. Je ne sais pas si, il y a quelques semaines, j'avais un de mes petits-fils, il n'a plus de chaussures. Acheter des chaussures d'enfants dans le centre-ville, ce n'est pas possible. Il faut vraiment chercher. Donc, on est en... Oui, mais les chaussures que veulent porter les enfants, avec les marques des enfants. Mais quel pouvoir ont les politiques, justement, sur cette mixité commerciale ? Je pense que les politiques, et cette commerçante le disait très bien, l'on peut encourager, notamment par un système de primes, on peut encourager en dialoguant davantage avec les commerçants, on peut... À la limite, on pourrait pendant quelques mois offrir à un jeune le local commercial gratuit. Je pense qu'il y a des tas de choses à faire et dont on a déjà discuté au conseil communal qu'il faut maintenant mettre en place. Il faut arrêter de dire on va faire, il faut faire. Sur la question de Mosaïque, mais c'est une évidence que ce qui était pertinent il y a 15 ans ne l'est plus maintenant parce qu'entre deux, la vie a changé. Entre deux, il y a de nouveaux commerciaux. Voilà. Aussi, ouais. Et entre deux, ben, les Moucronois, il ne faut pas faire semblant, hein, mais les Moucronois vont quand même aussi à Auchan. Hein. Et ils vont aussi dans d'autres endroits. Donc il faut trouver dans le centre-ville une offre attractive. Il faut aussi davantage, je le dis sans. Je rentre parfois tard, c'est plus possible de faire des courses à Moucron après 7 heures. Hein. Sur le temps de midi, c'est fermé. Il faut aussi peut-être accepter de modifier ses comportements et ses habitudes. Comment accroître justement cette attractivité commerciale au centre-ville ? Je sais pas, Marc ou Michel. Oui, ben, d'abord, je voulais dire que comparer les grands centres commerciaux et les petits commerces, c'est très réducteur. Et Christiane en a fait un peu la démonstration. En tant que politique, on ne sait pas dire à quelqu'un qui veut ouvrir un commerce, c'est là que tu dois ouvrir ton commerce. Non, il va choisir lui-même où il veut faire son commerce parce qu'il aura fait une étude lui-même. Je ne sais pas dire aux citoyens, c'est là que tu dois aller acheter tes chemises, ton pain, quoi que ce soit. C'est justement l'attractivité. Ce que peut faire la ville, c'est vrai qu'elle peut mettre des actions. On a parlé d'heures d'ouverture. On pourrait très bien mettre sur place en disant, voilà, si on met autour de la table les commerçants de tel quartier, en disant, le premier mercredi du mois, on fait une nocturne ou le tel dimanche. La ville peut mettre des activités, peut attirer par des activités. Ça, c'est la possibilité qu'on a avec le syndicat d'initiative, entre autres. Là, on peut attirer pour faire venir les gens avec d'autres attractions que simplement la vitrine. Là, la ville peut le faire. Maintenant, reste après, il y a un changement dans la mentalité très forte. Passer de 97% après la guerre où il n'y avait pas de voiture... À 63% où tout le monde se déplace en voiture, c'est pas comparable. C'est pas comparable. À ce moment-là, je suis originaire du Touquet. Entre le cuirassier et le haut de la place du Touquet, il y avait 6 bouchers et 7 boulangers. Et ils vivaient tous. Mais tout le monde allait à pied. Et on allait chercher tel produit là. Maintenant, c'est terminé. Les gens se déplacent en voiture. Et même s'ils pourraient le faire. Ouais. Et le commerce... De proximité a encore un avenir. Il a toujours un avenir, mais il doit avoir une spécificité. Voilà. Christiane l'a dit, si c'est pour vendre les mêmes t-shirts qu'on trouve dans les grandes surfaces, ben les gens... De plus, il y a aussi un changement dans le commerce. Je suis fils de commerçant, petit-fils de commerçant, neveu de commerçant. C'était des commerçants qui étaient dans leur commerce. Voilà, qui habitaient sur place. Qui habitaient sur place, ouais. Qui étaient leur commerce. Oui, maintenant, nous avons de plus en plus de commerces où on met du personnel. Et ce personnel, eh bien, il a des heures. Et donc, on s'est ouvert de 10h à midi, de 14 à 18h. Si on doit ouvrir le dimanche, il faut les payer à du 200%, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Tandis que l'indépendant, je vais dire auparavant, le véritable indépendant qui était là, comptait pas ses heures. Et c'est ça l'indépendant. L'indépendant qui travaille beaucoup peut gagner beaucoup d'argent, mais l'indépendant qui travaille pas beaucoup ne doit pas s'étonner à avoir moins dans sa caisse. Donc, c'est le gros débat de dire à un moment donné, le commerce, est-ce qu'il a de l'accord de l'avenir ? Oui, dans des spécificités. D'accord. Peut-être Michel Oui, moi j'appuie tout à fait ce que dit Marc. Le commerce ne se décrète pas. On peut le soutenir, on peut le stimuler, on peut développer, comme il l'a dit, des actions comme le fait le syndicat d'initiative pour attirer le chaland, faire en sorte qu'il se promène une après-midi à Moucron, mais ça ne se décrète pas. Ça reste une entreprise libre et indépendante. Je pense qu'on l'oublie parfois. En ce qui concerne donc l'affaire, je pense que nous devons partir aussi des atouts que nous avons, parce que nous en avons. Au centre-ville aussi, nous avons par exemple tout un réseau de restaurants qui est très fréquenté, notamment par une clientèle française extrêmement importante. À partir de là, nous devons trouver des moyens d'attirer les gens dans d'autres types de commerces. Et là, Marc l'a dit, ces commerces seront des commerces spécifiques. Je prends tout le temps le même exemple. Nous avons plusieurs bijouteries sur la grande place de Moucron. Chacun sait que le moucronois n'est pas spécialement riche. Ces bijouteries, je n'ai jamais entendu se plaindre quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des produits spécifiques pour une clientèle spécifique. Et si nous parvenons à développer, à multiplier ce genre de commerce, ce type de spécificité, je pense qu'à ce moment-là, nous gagnerons la partie. Simon Varas ? Oui, ben, je reviens quand même sur le dossier mosaïque. Moi, je pense qu'on ne pourra pas faire les deux en même temps. On est à un moment où il faut faire un choix. Et notre choix à nous, il est clairement pour le dynamisme en centre-ville et dans les quartiers. Maintenant, concrètement, c'est vrai que le commerce, ça ne se décrète pas. Ça ne se décide pas au niveau politique. Mais on a un rôle important à jouer pour faciliter le commerce. Je prends l'exemple d'un nouveau commerce qui va s'ouvrir rue de Tournai, un magasin qui va vendre des vinyles, des disques vinyles. Je pense que ça, c'est super. Ça, c'est vraiment une offre qui est... spécificité. Voilà. Et donc, je pense que à l'avenir, la ville devrait acquérir une série de bâtiments en centre-ville et dans d'autres quartiers à des endroits stratégiques pour permettre une location à des jeunes ou à des moins jeunes, mais qui ont envie de lancer une activité, de pouvoir le faire sans devoir payer un loyer trop important. Parce qu'on sait que les loyers commerciaux en centre-ville et ailleurs, c'est parfois assez impossible à payer quand on lance une activité. Donc voilà, moi je pense qu'on appelle ça une régie immobilière, c'est un mot un peu technique, mais en fait c'est simplement acheter une série de bâtiments qui sont actuellement à vendre. C'est peut-être le moment en plus d'acheter, étant donné qu'il y a pas mal de cellules qui sont vides, pour permettre plus tard à des commerçants de lancer une activité. Évidemment, ça, c'est une réflexion qui est pas sur un an ou deux, c'est sur 5, 10 ans, 15 ans, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut se poser les questions, et c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Est-ce réalisable, Marc Castel ? Ça peut être réalisable, mais je ferai remarquer qu'une célèbre agence immobilière de la région a proposé de louer à 1 euro par mois et ils n'ont eu aucun retour. Donc, on peut mettre des actions. Ça veut bien que ce n'est pas pareil, mais alors 1 euro par mois, ça ne veut pas dire que ce soit un loyer qui soit exorbitant. Et là, personne n'a trouvé... Ils n'ont pas trouvé preneur. C'est 1 euro le premier mois, 2 euros le deuxième mois, 3 euros le troisième mois. Et puis après, c'est reparti un loyer exorbitant. Donc là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parti un loyer exorbitant, excuse-moi. On sait très bien que quand on lance un commerce, il faut voir un peu ça dans la durée et pas sur 3 mois. Oui, mais c'était déjà... C'est ce que tu dis, c'est de faire des actions... Forcément, quand ça appartient à un privé, et on a une rue commerçante, ici à Moucron, quasiment tous les commerces appartiennent à un privé, et qui met des loyers exorbitants. Et ici, on a déjà quelqu'un qui n'a pas demandé, il a fait lui-même un peu de bon aloi, de dire, tiens, je vais aider un petit peu, on pourrait peut-être, parce que comme tout le monde, personne n'aime d'avoir des commerces fermés, des champs, quoi que ce soit. Cellules vides, ça nous embête. Maintenant, comme j'ai parlé tantôt d'évolution, on a créé ces commerces, la majorité des commerces ont été créés il y a bien, bien longtemps. Ils ne sont plus nécessairement adaptés au commerce actuel. Lorsqu'on se retrouve avec des cellules de 50 mètres carrés, ce n'est pas nécessairement suffisant pour faire le commerce. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire en urbanisme. Et là, ça ne va pas se faire en deux coups de cuillère à peau. Mais c'est vrai qu'on peut développer dans certaines zones du commerce. Maintenant, pour revenir à Mosaïque, je ne veux pas m'étendre sur Mosaïque parce que c'est également un privé qui a fait son étude de marché à qui on a vendu un terrain et tout ça. Hein ? Parce que vous avez changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Excuse-moi, mais quand on a vendu un terrain pour dire que tu peux construire dessus, on ne peut pas dire maintenant que tu as acheté le terrain, il ne faut plus construire. Vous avez changé d'avis. À côté de ça, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a dit « Ah, il y a tel magasin qui s'ouvre à Neuville-en-Ferrin. » J'aurais pu dire le nom du magasin parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Hein ? La promenade de Flandre. La promenade des Flandres. Je ne vais plus devoir courir. Je ne sais plus si c'était à Froyenne ou quoi que ce soit. Ce sera plus près. Donc ça veut dire qu'il y a cette attractivité aussi de certains commerces, même qui se trouvent dans ces centres commerciaux. Moi, je suis pas un fan. Je fais mes courses. C'est moi qui fais les courses pour tout ce qui est nourriture. Mais pour ce qui est des vêtements... Christiane, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que je me dis ce qui fait l'attractivité, c'est aussi la facilité de mobilité, c'est aussi pouvoir aller à un endroit, s'installer sur un banc, aller prendre un verre, faire un petit peu de shopping, inviter sa copine, lui dire « je suis là, tu viens faire du shopping avec moi ». Mais pour faire du shopping, parce que les petits commerçants, c'est ça. si on va chez les petits commerçants, c'est qu'on prend le temps pour faire son shopping. Et c'est pas la même démarche que d'aller au supermarché. Moi, au supermarché, je vais en vitesse quand je suis pressée, je bourre, puis je me rends compte que je consommerai... C'est des achats de plaisir, plutôt. Le petit commerçant, c'est la proximité, c'est un achat de plaisir. Mais alors, il faut que la mobilité, il faut que tout ce qui entoure le commerce donne envie d'aller. Et c'est pour ça que le centre-ville, l'aménagement du centre-ville, c'est fondamental. C'est pas seulement la question de pouvoir garer sa voiture, parce qu'on peut garer sa voiture plus loin, aller se promener, c'est pas. Mais si on voit des endroits où le commerce tourne à plein, beaucoup de commerçants vont à Menin ou vont à la côte, pourquoi est-ce que les petits commerçants à la côte fonctionnent tellement bien ? Parce qu'on va se balader, on est détendu, on achète, c'est ouvert le week-end, on a des moments, c'est un plaisir. Donc je pense que les petits commerçants aujourd'hui doivent se dire, il faut que ce soit un plaisir de venir chez moi. Donc l'accueil, la manière dont l'aménagement, la mobilité va s'organiser, tout ça, ça doit être un plaisir. C'est pour ça que je pense que Simon a raison quand il dit qu'il faut mettre le paquet sur l'aménagement dans les quartiers, pour retrouver ce plaisir d'acheter chez soi. Parce que sinon, enfin, moi je ne trouve pas que ce soit un plaisir d'aller au supermarché, mais j'y vais parce que c'est pratique. Mais faire du shopping avec mes copines, ça c'est vraiment un plaisir. Simon ? Oui, rapidement, je voulais revenir sur un élément du témoignage par rapport aux travaux de la Grand Place. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que ces travaux sont les bienvenus, enfin. Ça fait des années qu'on les attend, ça commence enfin. Par contre, j'entends déjà des témoignages de commerçants qui disent que les informations arrivent très mal. Et il faut faire très attention parce qu'on va se retrouver durant de nombreux mois avec une situation très difficile pour les commerçants. Le dernier commerçant qui m'a parlé de ça avait reçu le vendredi soir à 16h un courrier de l'administration communale en disant que la route allait être fermée dès le lundi matin. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Quand on dit on ne décrète pas le commerce, c'est vrai. Mais là aussi, c'est encore un élément qui montre que le pouvoir politique communal a une énorme place à prendre pour aider les commerçants. Et Dieu sait comme ça va être difficile pour eux durant ces prochaines semaines et ces prochains mois. Je pense que le pouvoir communal s'est déjà engagé nettement à soutenir toute une campagne d'information, aussi bien pour les citoyens que pour les commerçants. Maintenant, il y a peut-être eu, je n'en sais rien, mais il y a peut-être eu quelques manquements. C'est toujours possible dans une organisation, mais en tout cas, la volonté y est. Oui. C'est bien. Marc Castel ? Oui, simplement. Je parviens à ce qu'il vient de dire la même chose que moi pour concernant l'information, pour dire que c'est d'ailleurs. Mais je voudrais mettre un point. Bah oui, il était plus rapide que moi sur la balle. Du moins, il y a eu le micro ouvert plus vite. Ça donne envie la radio quand même. Oui. Je vais simplement ajouter un point qu'on n'a pas encore parlé maintenant, mais ce qui existe à Moucron et qui n'existe pas dans beaucoup d'autres villes, c'est que le parking est gratuit pour tous les commerçants. C'est un plus. Donc au niveau du centre-ville, même si parfois, je sais bien, on a envie de s'arrêter. Moi, j'ai toujours celui qui va, je vais dire, à Auchan, il prend sa voiture, il se met sur un parking, il voit une grande enseigne. Mais il fait 150 mètres à pied pour rentrer dans le magasin et encore autant pour aller chercher ses produits. Ouais. Par contre, il ne va pas mettre sa voiture au parking désert pour aller dans la rue du Christ ou dans la petite rue. C'est parfois aberrant parce que c'est même moins loin. Donc c'est une question de mentalité. Et alors, le fait que ce soit gratuit, maintenant, de plus en plus en zone bleue, ce qui est bien aussi, ça permet une rotation au niveau des véhicules et éviter les voitures ventouses par rapport aux commerçants. Et ça, il faut reconnaître que pour les commerçants et pour la ville de Moucron, c'est un plus. Mégane, journaliste au Nord-Éclair, voulait réagir. Oui, alors, comparaison n'est pas raison, mais je voulais quand même donner l'exemple des voisins de Tourcoing qui, à la suite de longs travaux au centre-ville, clairement, le commerce du centre-ville ne s'en est toujours pas remis. Donc il faut quand même être attentif et observer, certes c'est en France, certes la situation, les conditions ne sont pas du tout les mêmes, mais soyons quand même très attentifs. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme disait Christiane Jeanne, il faut qu'il y ait une notion de plaisir dans le déplacement du centre-ville, c'est-à-dire qu'une place qui sera jolie, ça va être formidable pour accueillir des gens, mais on ne va pas sur une place parce qu'elle est jolie, c'est pas forcément une fin en soi, et donc peut-être qu'il y aura aussi un travail d'animation qui devra faire suite à ces travaux de réfection, et qu'il faudra veiller à voir s'installer 2-3 locomotives qui, à elles seules, sont de nature à attirer un public assez vaste. Marc Castel. Ouais. Pour répondre à la question, on revient sur l'information. C'est vrai que dans certaines villes, ça a été dramatique pour les commerçants. On en a tiré un peu les leçons. Il faut savoir que le phasage de la place de Moucron et des travaux sera fait de manière qu'on puisse toujours y circuler. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours accès aux commerçants. C'est vrai que si on devait bloquer pendant X mois la place de Moucron sans accès aux commerçants, ce serait irréfléchi. Mais là, justement, on a profité parfois des erreurs des autres pour justement avoir accès aux commerces pendant toute la durée des travaux. Simon, Maras. Par rapport à l'envie de venir dans un centre-ville ou dans un quartier, on parle souvent du commerce, de la mobilité, des aménagements qui doivent être faits. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie très souvent et qui est super important, c'est la culture. C'est le fait de faire venir de la culture dans le centre-ville, faire venir de la culture dans les quartiers. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Ça se fait déjà un petit peu maintenant, mais je pense qu'il faudra l'amplifier parce que c'est quelque chose qui ramène énormément de monde et qui est profitable pour les commerces, pour l'ORECA, pour le petit commerce, pour les petits indépendants. Merci. C'est souvent autour d'un bar que le monde se fait. En parlant de culture. voilà. Nous retrouvons nos deux piliers, Christian et Philibert, et leurs pensées plus ou moins philosophiques. Attention ici. Il y a quand même des politiciens forts comme des chênes. Ouais, mais il y en a aussi des cons comme des glands. Dis donc, on n'a jamais vu autant de mecs de droite. Eh ben, ça se voit que tu connais pas mon quartier. La droite a moins de cheveux que la gauche. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est la fin du socialisme, c'est ça? Eh ben, c'est toujours mieux que le début. On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. Saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine. À l'envers. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? pria pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrament sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. La seconde émission consacrée aux aspects sociaux, nous avions abordé la santé, le logement et les aides de premier seuil. Nous avons décidé de vous passer un extrait de la conclusion de notre expert du soir, Vincent Iserbit, moucronois d'origine, pardon, mais surtout professeur de psychologie sociale à l'UCL. On l'écoute. De manière générale, on sent bien que ce qui est transversal, je dirais, ce sont des difficultés croissantes que les gens rencontrent, tant au niveau de la santé, du logement, que des aspects d'insertion plus générale. Il me semble indéniable qu'un des gros problèmes, c'est l'accroissement du fossé entre des personnes qui sont peut-être plus nanties et des personnes qui ont des difficultés. Donc les inégalités sociales sont en train de croître. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est véritablement alarmant. Alors, c'est un problème politique, c'est un problème économique. Et un des grands soucis, c'est qu'on n'est pas véritablement une mobilisation, je dirais, au niveau politique. On voit bien que les personnes qui sont touchées par les difficultés qu'on a évoquées ce soir, c'est vraiment... Ça n'est pas que dans une sphère que la difficulté se pose. Oui. Donc c'est chaque fois, enfin, ça m'a vraiment frappé, c'est chaque fois sur l'ensemble du spectre qu'on retrouve des difficultés. Alors c'est le logement qui est évidemment un très gros souci. Les questions de difficultés de travail, difficultés d'assuétude, des addictions, des difficultés en matière d'éducation pour les enfants. Donc on a vraiment des syndromes qui sont extrêmement complexes et on mesure, je pense, assez mal quand on n'est pas directement impliqué dans cet univers, on mesure, j'imagine, assez mal la complexité des problèmes qu'il faut essayer de résoudre. Et donc moi je suis très impressionné, je voudrais quand même le dire aussi, très impressionné par l'ampleur de la tâche et le fait qu'on n'est pas devant des difficultés qui sont simplement ponctuelles ou simplement circonscrites à un aspect de la vie des personnes. Et ça, je pense que ça donne mieux apprécier la mesure de la coordination de l'ensemble des acteurs sur une sphère sociale. Et je dirais en contrepoint, moi j'ai parfois un petit peu l'impression, à la fois d'une énorme complexité administrative à laquelle les gens doivent faire face, d'une grande complexité du monde des intervenants, pour quelqu'un qui n'est pas tout à fait familier avec cet univers, c'est quand même extrêmement complexe, et peut-être... J'oserais aller parfois jusqu'à dire d'un sentiment de relative dispersion des efforts. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que peut-être aussi il y a matière à retravailler les liens entre les différentes personnes qui travaillent. Alors j'étais très impressionné par le rapport ici qui était mis en avant entre le CPS et Terre Nouvelle. Dans le même temps, par exemple, on parle de différentes missions que tient à remplir Resto du Cœur, et heureusement que c'est fait, mais on se dit, mais est-ce que des personnes ne sont pas en train de refaire des choses qui sont faites par ailleurs, ou que des difficultés sont rencontrées, ou peut-être plus importante qu'elle ne le serait s'il y avait une coordination accrue entre différents services. Alors je pense que c'est très compliqué. Moi, je me pose un peu le problème, mais c'est clair que tant pour le côté logement que pour le côté aide sociale, je dirais, ça m'apparaît comme, on a dit, un réseau travailleurs sociaux riche, mais peut-être qu'il y a une synergie plus grande qui peut être, ou une efficacité plus grande qui peut être atteinte par plus grande mise en commun. Pour véritablement finir par une note très positive, j'ai quand même trouvé une dynamique locale très très forte. une volonté de travailler sur une entité qui est celle de Moucron, avec un grand souci de prise en charge ou de responsabilité de la population moucronoise par les personnes de Moucron. Et je trouve que cette préoccupation sur un plan local où les personnes sont attachées à trouver des solutions sur les différents flancs qu'on a abordés localement donne matière à beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. En voilà une synthèse. Et en parlant de synthèse, est-ce qu'elle vous inspire quelques commentaires ? Commençons notre tour de table par Philippe Racaval pour l'UMR, pour poursuivre avec Nicolas Rose du PS, par Marianne Leterme pour Écolo, et enfin par Cathy Valque pour le CDH. C'est assez riche, évidemment, comme premier. Mais c'était condensé, et on trouvait, nous, en préparant l'émission, que ça reprenait finalement 2h30 d'émission, donc on en profite. Philippe Racaval. Philippe. Voilà. Donc, je vais paraphraser Coluche. Tout le monde n'a pas la chance de venir au monde riche, beau et en bonne santé. À partir de là, quand on déclare cela, on sait et on constate qu'il y a des inégalités sociales. Et ces inégalités sociales, elles commencent au berceau. Puis, je pense que le rôle, et notamment celui de l'école dont je m'occupe, c'est justement par l'enseignement différencié, de donner plus de chances à ceux qui en ont moins. Et ça commence par là. L'égalité, pour moi, c'est un mot qui ne veut rien dire, mais l'égalité d'accès, l'égalité des chances, tout ça, ce sont des mots, parce que l'égalité parfaite n'existe pas, quel que soit le paramètre, c'est un rêve, un vœu pieux, mais ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est d'amener tout le monde vers un niveau acceptable d'insertion. On a parlé d'insertion ici lors du débat précédent. Il est certain que quand on n'a jamais vu travailler ses parents, et comme malheureusement il y a quelques familles à Moucron, c'est très difficile de parler d'exemple et d'amener les gens vers la philosophie de se lever le matin pour aller travailler, de se lever le matin pour aller à l'école, de se lever le matin pour faire tout ce qu'il y a. Trouver une motivation. Voilà. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler pendant très longtemps aux forêts, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui veulent s'en sortir, et il y a des gens qui, par exemple, l'école, ça ne leur disait rien parce que ce n'était pas fait pour eux. Et on ne va pas relancer le débat de l'école, mais il est vrai que le système actuel procède par l'exclusion. Si malheureusement ça ne va pas dans l'enseignement général, on passe dans le qualifiant. Si ça ne va toujours pas, on va dans le professionnel. Si ça ne va toujours pas, on va au CFA. Et quand on a 18 ans, on s'en va. Et on essaye de trouver du travail avec le peu de compétences qu'on a. J'ai encore eu cette semaine l'occasion de rencontrer un garçon qui avait 18 ans, qui avait terminé en 3e et qui cherchait du travail. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire ? Il me dit, je veux faire n'importe quoi. Mais je dis, le problème, c'est qu'on n'engage pas les gens pour faire n'importe quoi. Des métiers pour faire n'importe quoi, dans le temps, ça existait. On appelait ça bâcle d'usine ou baudet de maçon. Tout ça, actuellement, a disparu. Et donc, ce qui fait évidemment que l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès à la vie décente s'en trouve compliqué. Et évidemment, hein, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit précédemment, mais toutes les aides à l'emploi peuvent évidemment être un tremplin, mais malheureusement, elles ne durent qu'un temps fort limité. Ceci étant dit, le logement, je pense que Moucron, au niveau du logement social, est très au-dessus de la norme. Hein, si, Cathy va pas me contredire si je dis qu'on est à 12%, alors que c'est 10 qu'il faut, c'est... Voilà. Donc, voilà. Et là, évidemment, il y a des règles. Et avant, il fut un temps où on pouvait donner le logement social à n'importe qui. Ici, maintenant, il faut avoir toute une série de points. Et en fonction de la situation sociale et économique, on obtient des points et on peut ou non accéder. Donc, et même encore, hein, c'est vrai que je parle du logement social. La ville a également toute une série de logements à des conditions, je veux dire, normales. Et puis, il y a le privé, et je ne sais pas si vous avez vu comme moi, partout à Moucron, on construit dans tous les sens. Moi, je me demande parfois qui occupe tous ces appartements. Il suffit de regarder ici devant, un peu plus loin. On va encore en construire 104. Je sais que ceux qui veulent investir à l'avenir souhaitent faire de la mixité, c'est-à-dire des logements de toutes les catégories de prix. Donc, mais voilà, encore une fois, hein, tout vient au départ quand on a... On fait beaucoup, le CPS fait énormément, de la médiation de dette, remettre des gens debout, engager des articles 60 et tout ça. Mais bon, après, il y a la réalité économique qui fait que les gens doivent pouvoir s'insérer. Et la difficulté, elle provient de là, et généralement, elle est à la base. Moi, je vais m'arrêter là, sans quoi je monopoliserai. Il vaut que chaque année, la demande de logements sociaux est en augmentation. Comment expliquez-vous ce phénomène à Moucron ? Mais je pense que l'avantage des logements sociaux, c'est vraiment de payer son loyer en fonction de ses revenus. Mmh. C'est une particularité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour les personnes qui ont des revenus très très faibles. Puisque pour une maison tout à fait correcte, bien adaptée et bien entretenue, ils ont des loyers qui restent quand même extrêmement bas par rapport aux loyers qu'on peut retrouver ailleurs. Donc je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de demandes. Moi, et c'est ce que je prône depuis très longtemps, je pense que les logements sociaux devraient être juste un lieu de passage. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans une difficulté, quelle qu'elle soit, perte d'emploi, séparation de couple, on peut faire une demande auprès des logements sociaux, on peut y accéder, mais je crois qu'à partir du moment où on est reparti sur le pont et où les choses se passent mieux sur le plan financier, il faudrait repartir vers le privé ou accéder à l'achat d'un logement, ce qui est aussi une possibilité, pour pouvoir justement laisser la place aux autres. Vous voulez peut-être... Nicolas. Mais en matière de logement, ben moi, j'ai la chance de faire partie de la société de logement que Cathy a pris. Je dis de la chance parce que allez, on fait vraiment du... Je trouve que la société de logement fait vraiment du bon boulot. Et elle est cite en exemple à la SWL, à la Société Wallonne des Logements. Et, mais c'est vrai que les gens... Enfin, il y a toujours de plus en plus de demandes et les gens voient leurs soucis à eux. Donc, ils s'intéressent au logement qu'ils n'ont pas reçu. Ils voient le logement qui est inoccupé depuis des lustres mais qui doit faire l'objet d'une rénovation importante. Mais enfin, je tiens à signaler qu'on a quand même, au niveau de la société de logement, on fait du bon boulot, quoi. Et c'est pas seulement, enfin, c'est pas des histoires de parties. Là, on est tous ensemble et on travaille tous ensemble main dans la main. C'est ce que j'ai ressenti. Enfin, oui, mais enfin, je pense qu'il faut aussi dire que la société de logement a des logements qui datent de nombreuses années et qui sont fort énergivores. Et donc là, il y a tout un travail de réhabilitation, hein, de l'isolation, par l'extérieur pour que justement ce soit profitable aux locataires parce que finalement c'est le locataire qui sera bénéficiaire de ces rénovations. Et puis il y a des créations de nouveaux logements. Oui, il y a eu tout un site à Erzo, maintenant il y a Cardaigne à Luynes. Et donc ça continue. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une dynamique. Il y a des rénovations aussi, que ce soit grâce au Pivert. Oui, tout ça. Tout à fait. Marianne Leterme du groupe Écolo. Pour ce qui est de la société des logements sociaux, ben, j'y ai aussi été administratrice pour représenter Écolo pendant quelques années. Donc c'est vrai que je peux que souligner le travail de qualité qui est fait là. Maintenant, je pense que Écolo a revendiqué lors des dernières élections communales que l'on puisse avoir un seul lieu où soient rassemblés les différents services qui s'occupent de logement. Parce que je pense que, ben, vous l'avez dit, la demande en termes de logement est très, très importante. Et donc, on ne peut pas se contenter de solliciter le public pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Il faut pouvoir solliciter le privé aussi. On a la chance d'avoir une agence immobilière sociale donc qui peut s'occuper de logements privés qui pourraient être mis en location, dont elle s'occupe. Elle s'occupe de recevoir les loyers, de pouvoir effectuer les réparations nécessaires, etc. Je pense que cette agence n'est pas suffisamment exploitée. Je pense que si on avait un seul lieu qui rassemblait tous ces différents services, ça pourrait déjà y aider. Si on pouvait faire une plus grande publicité, notamment pour l'agence immobilière sociale, on l'entend à la radio maintenant, par exemple, pour Bruxelles, avec des exemples qui sont intéressants. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant de pouvoir permettre à des gens... On voit trop de maisons qui restent inoccupées. Il y en a une, par exemple, à deux maisons de chez moi, qui est occupée de pourrir sur place. Je me dis, c'est dommage. C'est un logement qui aurait pu être occupé en plein centre de Dautigny par une famille qui aurait eu tous les services vraiment à proximité. Donc il faut pouvoir... Voilà, solliciter aussi le privé. J'ai vu dans les 21 actions qui étaient proposées ici à Moucron, de pouvoir aussi, et ça c'est aussi une proposition d'écolo depuis longtemps, de pouvoir solliciter aussi les habitants de commerce pour que l'étage puisse être aménagé, qu'il puisse y avoir là aussi de logements, enfin de la place en tout cas qui pour le moment est inoccupée, qui pourrait être occupée par d'autres personnes. On parle de plus en plus aussi maintenant de colocation. Je pense que pour les jeunes couples, par exemple, pour des jeunes qui démarrent dans la vie, de pouvoir profiter d'une colocation, c'est important aussi. Donc, de pouvoir solliciter aussi des propriétaires qui permettraient à des jeunes de pouvoir à plusieurs occuper un logement. Les logements kangourous écolo les proposent depuis longtemps aussi. Donc, c'est dans une maison de pouvoir avoir au rez-de-chaussée, par exemple, une personne plus âgée à l'étage, un jeune couple qui démarre dans la vie. Donc, il pourrait y avoir de l'intergénérationnel, de la solidarité entre les deux. Bref, il y a vraiment différentes choses où la commune pourrait être un incitateur pour diversifier, parce que ce n'est pas que le public qui pourra répondre à la demande de logement telle qu'elle existe partout. Moi, je voulais réagir par rapport à... On parlait justement des lourdeurs administratives et le fait, en vous entendant, de un peu recentrer les propositions, que ce soit l'AIS ou la SLM, etc. Est-ce qu'à un moment donné, ça va simplifier les choses, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes... Ils ont la même mission, c'est mettre des gens dans des logements, on va dire ça comme ça. Mais évidemment, ce n'est pas les mêmes méthodes pour y arriver. Est-ce qu'à un moment donné, il ne risque pas d'y avoir une frustration aussi, quelqu'un qui va aller, ah ouais, mais moi j'ai rentré un dossier, j'ai pu, et moi je suis en attente. Comment on va pouvoir un peu diversifier ce genre de choses? Là où c'est compliqué, hein, administrativement, on l'a entendu dans la préparation de l'émission, quand on l'a fait, on entend, ça revenait assez souvent, le côté que c'était assez lourd à gérer. Alors une réponse à ça, c'est sans doute le guichet du logement, hein, qui est organisé par le service des affaires sociales de la ville de Moucron. Et vous avez là deux assistants sociaux qui sont vraiment là pour aider les personnes. Je pense qu'une personne qui n'a plus de logement est une personne en détresse. Le logement, c'est ce qui vous donne vraiment votre possibilité d'avoir un domicile et d'avoir des droits. Et donc, je crois que quand on n'a plus de logement, on est vraiment dans une grave difficulté. Et ces deux assistants sociaux sont vraiment là pour entendre la détresse des personnes, mais aussi pour leur expliquer, donc pour décortiquer la situation dans laquelle ces personnes en détresse se trouvent et pour trouver la meilleure réponse à ces difficultés. Ils connaissent toutes les possibilités existantes sur Moucron. On oublie parfois, mais une manière aussi de répondre à une demande de logement sont les maisons d'accueil. Moucron est quand même doté de maisons d'accueil très, très, très performantes. Vous avez Terre Nouvelle Femme, Terre Nouvelle Homme, vous avez la maison maternelle, vous avez la ferme Saint-Acquaire, donc vous avez quand même, qui existe depuis plus de 30 ans. Donc on a été pionniers en la matière à Moucron. Moi qui étais assistante sociale avant et qui ai travaillé sur d'autres villes, je peux vous dire qu'on n'avait pas toute cette panoplie d'aides possibles. Donc le guichet du logement fait aussi du coaching. Donc au-delà d'avoir trouvé une solution de logement pour les personnes, il va aussi aider ces personnes à garder leur logement. Parce qu'il ne suffit pas d'en trouver un. Encore faut-il comprendre qu'il faut payer son loyer, qu'il faut le payer régulièrement, qu'il faut tenir ce logement de manière correcte. Et donc là, il y a aussi du coaching qui permet d'aider les personnes à garder le logement qu'ils ont reçu. Philippe, il existe toute une série de portes qui peuvent canaliser les gens vers la solution. Le problème, c'est que les gens ne les connaissent pas. Je me suis rendu compte de ça à de nombreuses reprises, parce que lors de mes permanences, une personne vient m'expliquer sa détresse, sa difficulté. Et je lui dis, est-ce que tu t'es déjà adressé là, ou là, ou là? Non. Et donc, c'est vrai que le politique pense généralement que tout le monde sait aussi bien que lui. Et c'est une grosse erreur. Et j'ai souvent eu l'occasion de le dire à l'époque où j'étais au Forum aussi. Ceux du Forum connaissent forcément tous les rouages. Mais celui qui perd son emploi, hein, c'est tout de suite une nouvelle vie, faite d'angoisse, faite d'interrogations, faite de la peur de ne plus en retrouver. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'être aidés immédiatement et pas recevoir un papier de l'ONEM en disant « si tu n'as pas fait ça, on va te sucrer ». Et donc... Je pense qu'il y a énormément à faire aussi, parce qu'il y a des tas de gens d'abord, et puis ça, j'en connais qui ont des misères énormes, mais qui sont silencieux et qui ne veulent même pas que ça se sache. Une certaine honte. Parce que ça fait partie de leur pudeur. Et donc, l'idéal, évidemment, c'est de communiquer de manière proactive pour que chacun sache à quel moment il peut s'adresser là ou là ou là, parce que ça, c'est le début de la solution. Parce que le problème, c'est que quand on a perdu son travail, quand on a, suite à ça, des problèmes de couple, quand on a des problèmes de séparation, qu'on n'est plus à un, mais à deux, à devoir trouver une maison, et que finalement, on en a marre, et que de temps en temps, on boit un verre, et même plus que de raison, et on ne paye plus rien, et on ne paye plus ses impôts, parce que ce n'est pas mon problème, ou ce n'est plus mon problème, et je ne paye plus ma mutualité, et je ne paye plus rien, et bien vous retrouvez dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Il faut commencer par le premier à résoudre un problème à la fois. Et plus on attend, évidemment, plus c'est grave. Et je pense que là, il y a encore un énorme travail à faire vers nos populations les plus fragilisées pour leur donner la route vers la première sortie qui permet de répondre immédiatement à l'immédiateté du besoin. Mais peut-être pour rebondir sur ce que Philippe dit, je pense que quand on parle de social, on parle de relationnel. C'est impossible de dissocier les deux. Et une personne qui est en détresse a vraiment besoin de trouver une oreille attentive, une oreille qui pourra l'écouter. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la personne qui est en détresse va aller vers une personne dont elle pense qu'elle pourra l'aider. Si cette personne ne peut pas répondre à la demande parce que c'est pas son domaine, parce que elle a pas l'idée tout de suite, l'essentiel c'est de prendre la main de la personne qui est venue vers nous et de l'aider à pousser les portes qui sont nécessaires. Et ça, je pense que le travail social, que ce soit les éducateurs de rue, que ce soit les bénévoles dans les œuvres de Saint-Vincent de Paul où on donne des colis alimentaires, que ce soit au Resto du Cœur, que ce soit au CPS ou que ce soit dans les structures administratives, toute personne est quand même capable d'entendre la détresse d'une personne et de dire « je suis à côté de toi, tu peux t'appuyer sur moi et je vais t'aider pour trouver ». Et là, je pense qu'on est vraiment dans du relationnel et dans de l'aide à ce niveau-là. D'accord. Ben, Mégane, ce qui est toujours notre journaliste... qui nous accompagne et on la remercie, qui a peut-être, bah justement, tu n'es pas autour de la table, c'est un choix délibéré, mais c'est un meilleur point de vue, à mon avis. Donc, Effectivement. Bah là, pour le coup, je n'ai pas forcément une question à proprement dire, parce que vous avez plutôt... Merci, c'est bien, on passe au suivant. Non, en revanche, puisque Cathy Walt évoquait la possibilité de limiter dans la durée le fait de pouvoir bénéficier de logements sociaux. En fait, est-ce que si les revenus d'une personne locataire d'un logement social évoluent à la hausse, est-ce que son loyer de la même façon évolue à la hausse et jusqu'à un certain plafond? Et ce plafond est-il plus ou moins aligné sur les prix du marché? Ce qui pourrait constituer un peu un tremplin, à savoir qu'une personne qui resterait, mettons, 3 ans au taux maximum peut envisager à ce moment-là de faire une recherche dans le privé parce qu'elle est sur les prix du privé. Oui, tout à fait. En tout cas, quand j'étais présidente de la société de logement, il y avait quand même toute une série de locataires qui payaient des loyers à 700, 800 euros par mois. Donc je pense que effectivement, quand on est à ce tarif-là, on peut peut-être aller vers l'acquisition d'une maison ou éventuellement partir dans le privé. Donc effectivement, et donc oui, bien sûr, le loyer augmente si on a plus de revenus, ça c'est clair. Et je pense que peut-être dans ces conditions-là, on peut peut-être, pour certes, il faut réfléchir évidemment où, quand et comment, favoriser l'acquisition du logement lui-même. Parce que chaque fois qu'on achète un logement, on injecte de l'argent dans la société qui peut à son tour continuer à construire. Donc, mais ça, c'est une réflexion que nous avons déjà menée il y a très longtemps. Mais évidemment, ça ne vise que les personnes dont on vient de parler et qui ont des loyers équivalents à des loyers, voilà, en fait. Mais c'est pour ça que quand je parlais tantôt d'avoir un lieu unique qui rassemble tous les services qui sont concernés par le logement, c'est quelque chose qui existe à Mons depuis des années et qui fonctionne très très bien avec un échevin dédié au logement et avec tous les services qui sont rassemblés là, parce que Cathy Walt le disait bien, c'est vrai que c'est difficile aussi pour des personnes notamment précarisées de savoir où se rendre pour avoir l'information. C'est vrai que ce sont souvent des personnes qui ont moins d'accès au langage écrit par exemple, donc à la lecture. Or maintenant tout se passe par Internet, mmh. tout se fait. Mais ces personnes-là, où peuvent-elles trouver l'information? Si on avait un seul lieu où aller, quand je dois, par exemple, aller au CPAS pour avoir la garantie locative, quand je dois aller à un autre endroit pour trouver un logement, quand je dois aller à un endroit suivant, si mon revenu maintenant est suffisant pour pouvoir essayer d'avoir un prêt social pour pouvoir alors acquérir mon logement, il faut toujours trouver l'endroit où je vais pouvoir trouver l'information pour aller avancer finalement dans mes recherches, dans ma progression. Donc si on avait un seul endroit où il y avait tous ces services et qui les coordonne aussi, où les gens puissent se parler, où les professionnels puissent se parler pour répondre, trouver peut-être d'autres choses, être créatifs par rapport aux réponses à apporter. Je pense que la coordination, Saint-Vincent Isorbit le parlait dans sa conclusion, et je pense que c'est quelque chose de primordial. Si je peux me permettre encore d'ajouter un dernier mot par rapport à ça, il est vrai qu'il y a un nombre assez considérable de logements vides sur Moucron, et même dans le patrimoine privé. Maintenant, il y a une taxe d'inoccupation de logement, et c'est vrai que je pense qu'elle doit être réfléchie parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais on a déjà amélioré ou amendé. Le problème, c'est qu'il y a aussi des maisons qui sont devenues inutilisables parce qu'elles ont eu des locataires qui n'ont respecté rien ni personne, qui ont été jusqu'à brûler les portes et des trucs comme ça. C'est pour ça que Cathy le disait, et ça c'est important maintenant, il existe des assistants sociaux qui aident les personnes. Quand on est très très précarisé, on parlait tantôt Vincent Isorbit parlait de la dualisation qu'il y a de plus en plus dans la société. C'est vrai qu'on a une partie de la population qui est de plus en plus précarisée, qui a même du mal avec elle-même et à envisager le futur et à pouvoir garder un logement, avoir encore suffisamment de fierté ou de moyens que pour pouvoir le garder. Et comme elle le disait, c'est important qu'il puisse y avoir un coaching pour que les personnes qui ont un logement puissent alors le garder en sachant, en apprenant comment le faire, parce qu'elles ne l'ont pas appris par ailleurs. Mais je voulais également souligner le fait que les propriétaires privés ont comme ça... J'en connais plusieurs qui ont eu des expériences épouvantables où on a finalement démoli... C'est pour ça que l'AIS pourrait être un bon moyen. C'est l'AIS qui s'en occuperait. L'AIS, c'est bon dans une... On ne peut pas demander à l'AIS de consentir à l'ensemble des travaux dans une maison parce que, sous prétexte, on va la louer. Ça reste... Elle peut intervenir, l'AIS peut intervenir dans une proportion bien déterminée des frais. On ne peut pas demander... Et c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi. On pourrait aussi remettre des maisons en état avec le forum, avec des exercices pratiques pour des écoles et des choses pareilles. Mais là, c'est un peu fausser la concurrence aussi. Et donc, j'ai un peu de mal avec trop aider d'un côté et rien faire pour l'autre. Maintenant, ceci étant dit, l'objectif de cette taxe était quand même de remettre tous ces logements aux mains à la disposition des gens qui cherchaient un logement. C'était quand même le but initial de cette taxe quand on l'a votée il y a déjà... Une quinzaine d'années, je crois. Oui, la société de logement est dotée aussi d'un service social qui, justement, va vers ces personnes qui ont du mal soit à payer leur loyer, soit qui sont en difficulté au niveau de la gestion de leur logement, pour que, justement, on n'arrive pas à une expulsion et à repartir dans la précarité et dans les difficultés. Pour conclure, Nicolas. Oui, Nicolas, oui. Donc, comme disait Marianne, ce serait bien d'avoir un endroit où on puisse informer, orienter par rapport aux différents acteurs qui existent en matière de logement. Ça pourrait être bien aussi d'avoir une sorte de photographie instantanée de l'état du logement. Donc, le nombre de logements actuels, quels sont les objectifs, quels sont les moyens mis en place pour lutter contre les logements insalubres, par exemple, contre les marchands de sommeil, et de tenir régulièrement cette photographie instantanée, faire un cadastre des logements et puis les objectifs aussi en matière de rénovation, en matière de construction, où on en est, qu'est-ce qu'on vise, et régulièrement tenir cette photographie à jour. Alors, quoi de neuf au coin du bar, messieurs? Ils ont l'air en forme, sans transition. Ils ont l'air en forme. Eh oui. Tu peux pas faire plus de mal à une ville qui, franchement, peut être plus agréable à vivre que bien des autres villes que je connais. Ah ouais, comment? Ben, obliger la fermeture des cafés avant minuit. Je me le réexplique pas. Je dis bien avant minuit. Et alors? Et en plus, avant les élections. Non, moi je dis, tu voudrais te suicider électoralement

des indépendants, au niveau, je pense aussi de l'associatif, de stimuler au maximum la réduction de ces productions de déchets. Et puis, ce qui est très important, évidemment, c'est tout ce qui est tri. On a la déchetterie, mais on a aussi les parcs à conteneurs, j'ai envie de dire, juste à côté, qui permettent de faire un tri sélectif qui est aussi très important et très intéressant pour faire de la valorisation par la suite. Qui fonctionne bien, hein, quand on entend le nombre de passages de voitures, 600 voitures, quand tout va bien, et en moyenne, et c'est la semaine. Et qu'en est-il de cette déchetterie, alors, Anne Clout? Alors, la déchetterie, bah, vous l'avez dit, on est la seule commune à avoir encore une déchetterie. Je pense que la supprimer purement et simplement du jour au lendemain, ce n'est pas envisageable, parce que là, je pense que nous aurons comme conséquence d'avoir beaucoup de dépôts sauvages. Les gens vont aller jeter leurs déchets un peu n'importe où. Il faut quand même savoir qu'au niveau de la déchetterie, je connais quand même pas mal d'habitants qui vont déposer leurs sacs avec leurs ordures ménagères. Quand, par exemple, en été, quand il fait beaucoup plus chaud, quand on passe au Recy Park, on en profite pour aller déposer également son sac ville. Mais voilà, je vous rassure, la réflexion est vraiment en cours, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau de la cellule environnement, également avec IPAL, qui est l'intercommunal qui gère les déchets. Donc voilà, nous réfléchissons déjà à peut-être canaliser un peu mieux les habitants vers la déchetterie, plus de contrôle, vérifier les accès, peut-être limiter aussi le nombre de fois où on se rend à la déchetterie. Et alors avec IPAL, nous réfléchissons à des projets aussi dans les quartiers, avec des espèces de bulles enterrées ou semi-enterrées, où les gens pourraient aller déposer le résidu ménager, mais également faire du tri sélectif. Donc tout cela est à l'étude. Vous savez aussi qu'il y a un plan wallon des déchets qui est également à l'étude, où il y a, il y aura de nouvelles normes à respecter. Mais je voudrais quand même signaler aussi que Moucron a depuis 3 législatures un plan de prévention des déchets. Donc la réduction des déchets fait vraiment partie de notre quotidien. Ce plan de prévention des déchets est toujours rédigé aussi avec l'aide d'experts externes. Et très souvent, Moucron est cité en exemple au niveau de toute la politique de prévention des déchets, parce que c'est vrai que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc nous avons notre plan de prévention des déchets. Je cite nos célèbres poules. On a la ressourcerie avec qui nous travaillons beaucoup. Il y a plein de choses qui se font. Nous insistons aussi beaucoup sur les circuits courts, parce que c'est grâce aux circuits courts également que nous pouvons diminuer la quantité de déchets. Et là, je parle des paniers de la fermière, je parle du hall du terroir qui va ouvrir à l'automne, du marché du terroir, parce que là, justement, on travaille sur une très forte limitation des déchets, et je pense que ça porte ses fruits. Oui, au cours de cette émission, on avait relevé toutes les initiatives de la cellule environnement. Martine Vandenbroek, un mot peut-être. Finalement, moi, je vais dire que l'environnement, c'est tout ce qu'il y a autour. Et finalement, il faut conscientiser la population et surtout commencer par les enfants dans les écoles que finalement, il y a énormément de déchets et qu'il y a moyen de gérer cette problématique. Et dans les écoles et les institutrices, avec les paniers partagés, dans les écoles aussi, on sensibilise les élèves à manger donc des petits déjeuners et des repas préparés avec des produits du terroir. Donc on essaie de le faire au maximum. Donc la limitation des déchets est quand même assez signifiante. Faut dire aussi qu'à Moucron, on a quand même beaucoup de choses qui se font au niveau du PCDN. Donc, il y a quand même pas mal de réunions qui sont participatives avec la population pour se conscientiser les gens à toute cette problématique. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes. Il y a aussi le compostage. Donc, il y a quand même des stages de compostage qui sont proposés à Moucron. Je crois que ça se fait tous les 15 jours, je ne sais pas exactement. Premier samedi du mois. Merci. Et donc, il y a énormément de personnes qui sont sensibilisées par le compostage et aussi faire du compostage dans leur jardin, ça élimine aussi les déchets. Il y a, euh, on, Il y a quand même énormément de jardins partagés à Moucron. Donc, ce sont quand même des actions citoyennes où les gens conscientisent que l'environnement, c'est aussi ça, c'est aussi faire son jardin. Et les déchets, justement, il y en a beaucoup moins parce qu'il n'y a pas d'emballage. Il y a aussi les fermes pédagogiques. Donc, justement, tous ces endroits-là sont... existe pour conscientiser les enfants dès le premier âge, que le plus jeune âge, pardon, qu'il y a des choses qui sont à faire au niveau de l'environnement, de la nature, puisqu'il faut leur apprendre aussi que la nature et l'environnement, ça constitue tout ce qui fait vivre, les fait vivre, c'est-à-dire l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la terre sur laquelle on marche, et alors la nature qui nous attire. Voilà. Ouais. Karine Coulon, vous voulez peut-être intervenir. Bien, je vais essayer d'en rajouter un peu, mais tout a été déjà bien développé. C'est vrai qu'il faut absolument sensibiliser les citoyens, les services communaux, aussi les entreprises, puisque ce sont quand même des acteurs principaux, à l'amélioration de la collecte et le tri des déchets. C'est important d'amplifier la sensibilisation afin de diminuer au maximum la quantité de déchets et d'améliorer surtout le tri, parce que c'est bien sûr là tout est là, le gros problème, et le recyclage, l'importance du recyclage. Par contre, c'est vrai que les écoles, il y a énormément de sensibilisation à ce niveau-là, les associations culturelles aussi. Et on remarque à travers les écoles, enfin moi j'en fais partie puisque je suis moi-même enseignante, les élèves, les petits sont quand même super bien encadrés et ça devient un automatisme d'aller à la poubelle. Voilà, le tri des déchets se fait automatiquement. Et ça, c'est important parce que de notre temps, ben, c'est vrai qu'on n'en entendait pas beaucoup parler. Et voilà, il y a déjà un rythme, les habitudes sont déjà bien présentes. Alors par contre, pour la taxe, ben, je trouve ça... bien dans le sens que le non-respect des déchets, du tri des déchets, les déchets sauvages, bah, ça doit quand même être pénalisé, sinon à ce moment-là, voilà. Donc en fait, nous recevions aussi lors de l'émission dédiée à l'environnement, Francis Dumortier, donc exploitant de la ferme de la Roussellerie, et la question avait été posée ce soir-là, est-ce que l'agriculture a encore un avenir à Moucron, selon vous? Quelqu'un veut peut-être intervenir? Je pense que Moucron a une spécificité, c'est son agriculture urbaine ou périurbaine. Donc je pense que oui, l'agriculture a encore sa place à Moucron. Il faut savoir qu'on a quand même une cellule agricole qui est très active aussi au niveau de la ville. Mais je pense que l'agriculture à Moucron, eh bien, doit se vivre avec ses spécificités locales, avec ses cultures locales. Et je pense que c'est tout à fait possible d'intégrer l'agriculture dans notre tissu urbain et périurbain. Et j'ai déjà parlé de certaines initiatives, le panier fermier, le hall du terroir qui ouvrira prochainement. Justement, c'est une aide également pour aider donc ces agriculteurs locaux, puisque toute leur production pourra être centralisée et vendue en un seul endroit. Donc à nouveau, le circuit court, on diminue les intermédiaires, on diminue les déchets. Et je pense que c'est une réelle aide pour les agriculteurs, parce qu'il y aura un local qui sera mis à leur disposition. Il y aura du personnel. En plus, on fera de la réinsertion aussi socio-professionnelle. Et je pense qu'au niveau logistique, ce sera une réelle aide pour eux. Je voulais revenir sur le nombre de déchets. Et j'ai envie de dire le nombre d'habitants, parce que Moucron grandit quand même. On n'en a pas encore parlé spécialement dans le débat. Mais effectivement, il y a plus d'habitants maintenant qu'il y a 10 ans. Et dans 10 ans, il y aura probablement encore plus d'habitants. Ça veut dire, pour rester un peu dans cette thématique de l'environnement, ben, plus de déplacements, plus de mobilité pas forcément douce, plus de maisons à embellir. Et donc, ça veut dire qu'on va faire des travaux et on va évacuer les déchets des travaux, si vous voyez où je veux en venir. Est-ce qu'à un moment donné, il y a dans ce développement de la ville de Moucron une réflexion sur ben, l'absorption, finalement, de... ben, des déchets, soit ménagers, mais au-delà de ça, de ce qu'on consomme, évidemment, de ce que chaque couple va consommer, si on est, je ne sais pas, moins 5000 habitants de plus dans 10 ans, voilà, est-ce qu'on a la place? Est-ce qu'on a... voilà, ce genre de questions à laquelle on pourrait réfléchir. Je ne sais pas qui veut répondre à... Mais je pense qu'au niveau politique, en général, mais pas seulement à Moucron, mais je pense au niveau de la Belgique et en Europe, il faut revoir le mode de consommation. C'est-à-dire que, justement, favoriser le circuit court et éviter au maximum les déchets et les emballages. Alors, on pourra prévoir petit à petit de diminuer fortement tous ces déchets et voir comment on pourra faire venir tous ces habitants à Moucron. Parce qu'il faut savoir, pour en revenir aux futurs habitants à Moucron, il y a autour de Moucron énormément de, comme chacun sait, des nouveaux appartements qui se sont installés. Là viennent habiter des seniors. Ces seniors vivront là pendant au moins 20, 15 à 20 ans. J'espère le plus longtemps possible. Donc, en fait, c'est le baby boom des années 50. Et finalement, ces gens vont consommer donc, dans les petits commerces qui viendront s'installer aux alentours de Moucron. Et je pense qu'il serait intéressant que la ville de Moucron propose aussi des séances de... Et avec l'aide du PCDN, de comment bien se nourrir en faisant le moins de déchets possible. Je pense que c'est l'avenir d'avoir le moins de déchets, parce que ça coûte très cher à gérer, ça pollue. Et puis finalement, la pollution, c'est quelque chose dont on parle journellement. On vit en Belgique, on a quand même. C'est un pays qui est le pire pays européen où j'ai pu lire en termes de qualité de l'air. L'air pollué cause 12 000 décès par an. Donc en fait, on a une très forte densité de pollution en Belgique et il faudrait y remédier fortement. Mégane Marsotto du Nord-Éclair veut intervenir. Oui, alors quand on parle environnement, évidemment on parle développement durable, en tout cas c'est très, très associé. Et donc je profite de la double, au moins double casquette d'Anne Kloot, d'échevine du budget et de l'environnement, pour savoir si des initiatives comme nous l'avions relayé dans nos colonnes et qui pourrait être porté par des citoyens tels que le lancement d'une monnaie locale serait susceptible d'être prise au sérieux, voire accompagnée par la commune, dans le sens où l'intérêt d'une monnaie locale pourrait par exemple être de mettre en œuvre une série de filtres. Par exemple, un commerce qui pourrait bénéficier de cette monnaie locale devrait répondre à un certain nombre de standards qui respectent l'environnement. Et on sait, pour des initiatives qui ont déjà été créées par ailleurs, que c'est de nature à favoriser fortement les circuits courts, justement, les achats locaux et les échanges locaux sur un territoire donné, qui est délimité de toute façon par les fondateurs de la monnaie. Donc voilà, est-ce que ça, c'est le genre d'initiatives qui sont réfléchies, envisagées à Moucron ? Ça peut s'envisager sans aucun problème. C'est vrai que cette monnaie locale, telle que vous l'expliquez, favorise les circuits courts, on évite les déplacements. Si ça peut profiter au commerce local, et je vais simplement rebondir aussi sur notre agenda 21. Vous savez qu'au niveau de la ville, nous avons un agenda 21 et qu'il y a quatre piliers importants. Donc l'économie, le social, l'environnement et la gouvernance. Je pense que ce projet de monnaie locale rencontre vraiment les quatre objectifs et les quatre piliers de notre agenda 21. Et donc, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'envisager. Oui, si. Je vais peut-être tout simplement revenir un petit peu en arrière et puis aussi sur ce qui a été dit jusqu'à présent. On a parlé tout à l'heure de l'agriculture, savoir est-ce que l'agriculture a un avenir sous Moucron. On a parlé des circuits courts. Ici, on parle de monnaie locale. On est vraiment partout dans le même objectif de diminution des déchets, diminution des déplacements. On parle aussi maintenant, dans un futur proche, d'un dépôt-vente pour les producteurs locaux. On est vraiment toujours dans une vision d'avenir sur lequel il faut mettre un coup d'accélérateur. Je pense que ça fait déjà de nombreuses années que Écolo est porteur de projets tels que ceux-là. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas encore tout à fait prêt au niveau de la majorité à certains moments de mettre le pied à l'étrier. Donc on parle de monnaie locale, ça fait déjà un petit temps que ça en parle, mais mais j'ai pas l'impression que ça démarre. Et puis on a parlé par exemple, il y a pas si longtemps que ça, des cantines scolaires où on pourrait essayer d'avoir des cantines qui soient basées sur de l'agriculture locale. Et on n'avait pas l'air d'être tout à fait prêt à faire ça, alors que ça soutient l'agriculture de la région, ça donne une meilleure qualité de vie pour les enfants, ça fait moins de circulation. Donc c'est un tout, et je pense que la ville a besoin c'est important qu'elle soit un modèle pour le citoyen. Et donc dans toutes ces choses, il faut, je pense, que la ville y mette aussi du sien pour être l'exemple pour tous les citoyens moucronois. Pour conclure, Anne Cloute, simplement, vous parlez des cantines, etc. Je peux simplement vous signaler, je m'occupe de la petite enfance. L'année passée, nous avons relancé notre marché public, parce que bien entendu, il y a aussi l'idée de marché public et qu'une ville doit s'y conformer. Mais donc, dans le cadre de notre marché de fourniture alimentaire, vous signalez qu'on a changé notre fusil d'épaule, on travaille en lot, parce qu'on voulait justement que les producteurs locaux, les commerçants locaux puissent répondre plus facilement à ces marchés publics. Ben malheureusement, force est de constater qu'on n'a réussi que partiellement à aller dans ce sens-là. Voilà, c'est ce que je voulais encore ajouter. Après une petite pause humoristique que vous réservent encore Christian et Philibert au coin du bar. La politique est morte. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est des petits cons qui cherchent le magot. Un ministre du travail, eh oh, comme si le travail avait besoin d'un ministre. Le travail, il se débrouille tout seul. À moins que le ministre, il veuille venir au garage. Mais ça m'étonnerait, parce que là, il y a du travail pour un ministre. Un sénateur, c'est quoi ? Un gars qui se gratte quand il a un bouton. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre ? Moi, je dois porter malheur. Pourquoi ? Chaque fois que je vote, c'est un connard qui gagne. à la dernière partie de cette soirée consacrée à la gouvernance et la citoyenneté. Nous avons le plaisir d'accueillir Marianne Determe du groupe Écolo, le député bourgmestre Alfred Gaden du CDH, Philippe Racaval du MR et Christiane Vienne du PS. Et pour changer un peu la formule du débat, on va démarrer avec une question d'actualité ou presque, puisque avant d'avoir Moucron première page dans des à peu près tous les magazines, parce qu'on a une petite qui réussit bien sur les marches de Cannes, 15 jours avant, on a eu Moucron en première page parce qu'il y avait un chiffre qui était accolé à côté, c'était 43%. C'était 43% de nos concitoyens et nos habitants français qui ont été votés et qui ont fourni un triste record, celui d'avoir voté le plus massivement pour pas Macron, voilà, et pas forcément l'abstention. Et donc, moi, je voulais juste avoir une réaction. Alors, on va recontextualiser et remettre les chiffres comme ils sont. Il y avait un appel pour 6000 votants. Il y a 2000 personnes qui se sont déplacées pour voter. Hein. Donc 2000 sur 6000, ça fait un tiers. Mais enfin, sur ce tiers-là, il y a évidemment ce que tous les journalistes ont retenu et ont mis en avant, les fameux 43%. Nous décernons une palme brune. Pas d'or, triste celle-là. Palme. Pas d'or, celle-là. Une palme brune. Ouais. Et donc, enfin, je voulais avoir un votre réaction un avis par rapport à ça, oui. Christiane ? Oui, mais nous avons posé la question ici lundi au Conseil communal. C'est Fatima Alouche qui l'a posée. C'est des chiffres extrêmement choquants, hein, parce qu'on a beau les relativiser, quand même, dans les autres communes aussi, tous les Français ne sont pas allés voter. Donc il y a, je dirais bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais 43%, c'est tout de même un miroir qui nous est renvoyé, qui montre qu'il y a du travail à réaliser. Moi, je me souviens que là où peut-être que ma ville m'a le plus déçue, où j'ai été vraiment choquée, c'est quand il y a des réfugiés qui se sont installés à Moucron au refuge et qui a eu des réactions, je me souviens, sur nos télés, mais des propos haineux, des propos vraiment... J'ai jamais imaginé que dans ma ville, qui est une ville conviviale, ouverte, on puisse tenir des propos comme ça. Donc je dirais, il ne faut pas se fermer les yeux et se dire « ça n'existe pas, tout va bien ». Ce n'est pas vrai, ça existe. Donc il y a réellement un travail, même pour à la fois culturel, il y a un travail de fond à faire avec les associations sur le terrain, les éducateurs de rue, les autres. Il ne faut pas non plus être sourd à cette parole-là, parce qu'elle cache chez certains une parole de conviction, mais chez d'autres, une parole simplement qui est une parole de colère et qui n'est pas et qui peut être travaillée, et la colère peut être, je dirais, redirigée vers des choses plus positives. Mais je pense que ça fait partie de notre paysage et il ne faut pas faire semblant que nous sommes tous blancs. Alfred Gaden, vous vouliez réagir ? Oui, moi je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il faut savoir qu'en France, il y a un système d'élection à deux tours, que les gens étaient très mécontents. Il y avait aussi un système où il fallait choisir l'extrême dans les deux sens et c'était difficile. Maintenant, ça n'atténue pas le vote qu'il y a eu à Moucron. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau sécuritaire, les gens ont été votés à Moucron avec des mitraillettes. Bon, ça paraît spécial, mais quand même, comme vous imaginez, vous iriez voter au communal avec des mitraillettes. Pourquoi ? Parce que Moucron avait reçu des ordres précis du ministère de l'Intérieur. Il fallait protéger. Je ne pense pas que dans votre vie, vous avez déjà été voté avec des soldats ou des policiers avec des mitraillettes. Il y a aussi le contexte. Il faut savoir qu'il n'y avait pas que les Moucronois. Ce n'est pas une excuse. Il y avait beaucoup de Moucronois, des Français Moucronois. Mais il y avait tout le Courtrésie, tous les gens extérieurs à Moucron, plus communes, qui votaient à Moucron parce qu'il n'y avait pas des bureaux de vote partout. Il y en a à Tournai, il y en avait à Gand, il y en avait à Bruges, il y en a à Bruxelles, il y en a à Anvers. Mais à Moucron, était un bureau spécial. Maintenant, il faut voir aussi... Je pense que le mécontentement, pour ceux qui ont suivi la politique, les élections françaises, les gens étaient écœurés. Donc il faut savoir, c'est d'ailleurs des votes extrêmes, puisque la droite, aussi bien que la gauche, a disparu lors de ces tours. Je pense que... Mais c'est vrai qu'on y travaille, donc on est sur le terrain tous les jours, et je pense que c'est important. Christian a évoqué les manifestants. Moi, je suis pas étonné de ces manifestants-là extrêmes, parce que l'arrivée des réfugiés n'était pas évidente, mais je crois qu'il y a eu une très bonne réaction contraire, et la population a repris le revers et a prouvé que cela avait tort, ils racontaient n'importe quoi. Moi, j'ai eu des coups de téléphone insultants, on m'a dit que c'est moi qui ai ramené les réfugiés à Moucron, enfin des choses impensables, mais j'ai l'habitude. Marianne Leterme. Moi, j'étais d'autant plus heurtée que 43% des Français qui vivent à Moucron aient voté pour Le Pen, que ce sont des gens qui, justement, ont fait le choix, alors qu'ils sont Français, d'aller habiter dans un pays voisin. Je suis sûre qu'ils ont été bien accueillis. Donc c'est d'autant plus interpellant de se dire que ce sont des gens qui votent pour un parti, qui rejettent l'autre, qui n'acceptent pas la mixité, qui est raciste, et ces gens-là qui sont venus dans un pays étranger, parce qu'on est un pays étranger pour eux, qui les a bien accueillis, ont voté pour eux. Donc voilà, moi, c'est juste ça où je me suis dit, ça montre l'incohérence, finalement, de ce choix qui a été fait. Maintenant, je pense qu'on doit chacun se remettre en question, arrêter de se dire que ce sont les autres qui sont racistes ou qui ne sont pas accueillants. Je pense qu'on a tous notre responsabilité pour être accueillants par rapport à l'autre. Je pense à ça surtout par rapport aux écoles, où... Il faut pouvoir aider les enseignants. J'en parlais encore hier. Il y avait le délégué aux droits de l'enfant qui était venu à Comines parce qu'il y avait un souci particulier qui voulait être travaillé par le personnel de la Maison de la Culture, etc. Et donc, il disait que de fait, si on a de plus en plus de gens qui finalement rejettent les autres, parce que c'est le cas, ça a été le cas en France avec un vote massif pour Le Pen, mais c'est le cas, on le sait, aux États-Unis et dans d'autres pays européens aussi. Je pense qu'au niveau des écoles, par exemple, on doit vraiment aider les enseignants à pouvoir être accueillants par rapport à tous les parents pour que tous les enfants se sentent bien aussi. Les enseignants ne sont pas formés dans leur formation initiale pour pouvoir, par exemple, comprendre la précarité, comprendre les milieux d'où viennent des enfants. Et donc, parfois, on a un manque de dialogue entre l'école et la famille, donc un manque d'alliance pédagogique, je vais dire, entre les parents et les enseignants pour que les enfants puissent évoluer au maximum de leurs compétences. Du coup, ça fait des jeunes qui, un petit peu, à la fois, se sentent exclus de l'école, se sentent rejetés de partout ailleurs et qui, du coup, tombent dans des travers de vouloir rejeter l'autre aussi. Enfin, c'est vraiment toute une réflexion qu'il y a à avoir au niveau du vivre ensemble. Et ça, on peut vraiment le faire au niveau local, avec les écoles. Et je n'accuse pas du tout les enseignants d'être responsables de ça. Je dis, ils sont pas formés au départ, mais on doit vraiment y réfléchir pour être accueillant dans son quartier, accueillant à l'école, accueillant partout où on est, pour éviter qu'on ait à nouveau des votes de rejet comme celui-là. Philippe Racaval. Moi, je vais simplement dire une chose. Chaque vote qui va à l'extrême droite est un vote de trop. Je rebondis sur ce que disait Christiane. C'est vrai que nous avons été les témoins, et le bourgmestre aussi, privilégié de ces réactions extrêmement désobligeantes d'une partie de la population lorsqu'on a annoncé l'arrivée des réfugiés. La ville, par l'ensemble de ses services, a assuré une prise en charge idéale, aussi bien au niveau sécuritaire qu'au niveau de l'organisation générale, et même dans les écoles où on a voulu éviter de ghettoiser et on s'est mis ensemble toutes les directions. On doit aussi féliciter l'ensemble des bénévoles, des associations qui ont été magnifiques à ce niveau-là aussi. J'allais y arriver. En plus des autorités. Ouais, c'est ça, mais je vais commencer par le début. Donc, si je peux terminer. C'est parce qu'on anticipe. Et donc, non, mais tu parlais des écoles et je voulais justement parler de ces écoles. C'est vrai que les enseignants n'étaient pas spécialement formés à avoir dans leur classe des enfants qui ne parlaient pas leur langue, qui avaient des cultures différentes, qui avaient des croyances différentes. Et je dois dire que dans l'ensemble, ça s'est magnifiquement passé. Parce que quand il y a une volonté d'aller vers l'autre et de comprendre l'autre, il n'y a pas de problème. Et je ne peux pas m'empêcher de citer la petite image que j'avais vue à l'époque où le papa demande à son enfant, il y a des étrangers dans ta classe? Et l'enfant dit, non, il n'y a que des enfants dans ma classe. Et finalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, je n'ai pas connaissance d'un seul problème. Au contraire, maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne font pas non plus l'effort pour s'inclure. Il y a encore, dans certaines familles, un refus d'autorité de l'institutrice. Ça fait partie de la culture, parce que la dame n'a pas le même rôle que l'homme dans la société. Et ça, ce sont des choses auxquelles on se trouve confronté à longueur de journée. Et donc, il ne faut pas minimiser ce problème, non, parce que c'est très mal vécu aussi, en disant « moi, je ne te parle pas parce que tu es une femme ». Et ça, ce sont des réalités qu'il faut essayer de percer, parce que c'est finalement une accumulation de petites situations de conflits pour des choses culturelles qui fait que finalement, on ne se parle plus. Et je pense que mieux on comprendra l'autre, mieux on pourra vivre ensemble. Mais je pense que Moucron a fait largement

un petit tour de table parce qu'il y a un autre sujet qui arrive derrière. En ce qui concerne ben, vraiment le point de sécurité dans vos parties respectives, dans vos réflexions, si vous aviez une mesure, une idée à mettre en avant pour Moucron. Oui, Marianne ? Bon, d'abord dire que par rapport à la sécurité, au nombre de policiers, etc., ben, Écolo a toujours soutenu toutes les propositions qui étaient faites au Conseil communal, que ce soit en matière de matériel pour la police ou de quand il fallait remplir le cadre, etc. Donc on a toujours été soutenant. Maintenant, c'est vrai que chez Écolo, on insiste aussi beaucoup sur tout ce qui est prévention. Et par exemple, moi, je me souviens au Conseil, parce qu'on parle des jeunes aussi, de leur action, etc. Moi, je me souviens qu'il y avait, quand on a réaménagé toute la place de l'Ours, on nous a demandé de voter pour que ce soit une société de Metz, je pense, qui soit désignée pour peindre les abords du parking, par exemple, et ce qu'on appelle les voiles du parking, donc quand on sort du parking souterrain. Et finalement, c'est une société professionnelle française qui l'a faite, alors que nous, on avait plaidé pour que ça puisse être, par exemple, les maisons de jeunes qui soient interpellés pour faire un concours et pour que ce soit alors les jeunes moucronois qui puissent peindre ces lieux-là. Et on est certaine d'abord qu'ils auraient été fiers de pouvoir le faire, mais qu'en plus ça aurait été respecté parce que voilà, on leur aurait donné une place aussi pour aménager leur ville et par rapport à laquelle alors ils auraient pu être. Donc il faut pouvoir faire plus souvent ce genre de choses. C'est pas de faire la guerre aux jeunes finalement, parce que en plus on les stigmatise souvent. Nous on dit souvent les crottes qui sont laissées sur les trottoirs, qui font aussi partie des incivilités, qui font partie du fait qu'on trouve que la ville est sale. C'est pas souvent des jeunes ados qui promènent leurs chiens et qui laissent des traces. Donc voilà, de pouvoir redonner leur place aux jeunes aussi plutôt que de leur faire la guerre. Ben non, de les intégrer aussi dans des projets qu'on peut avoir. Pourquoi pas des petits budgets participatifs aussi dans certains quartiers pour l'aménagement de certaines choses où les riverains pourraient être associés. Je pense vraiment qu'en associant les gens, et notamment les jeunes, ben, on ferait en sorte que le vivre ensemble puisse s'améliorer aussi, oui. Et que l'insécurité, oui. Et le sentiment d'insécurité diminuent. C'est ce que disait le commissaire Joseph dans son intervention. La sécurité, ce n'est pas l'affaire ce n'est pas que l'affaire de la police. Oui, je dirais, tu avais posé une question plus globale, mais que je trouve importante, parce que ça touche vraiment quel genre de projet de société on veut. Donc c'est clair qu'il y a aujourd'hui une demande de sécurité, d'avoir du bleu dans les rues, d'être protégé. Enfin, moi, ça me frappe parce que mon bureau est rue de la Loi. Quand je sors, il y a des militaires armés. Quand ce n'est pas des militaires, on s'habitue finalement à se retrouver. Et est-ce que tu te sens plus en sécurité ? Moi, de les voir tous les jours ? Absolument pas. Non, en ce qui me concerne, absolument pas. Mais ça correspond à une demande. Mm-hmm. Tout à l'heure, quand le bourgmestre disait « Allez voter avec des hommes en mitraillette à côté », moi, je ne trouve pas ça sécurisant. Ça fait peur aussi. Ça me fait très peur. Et donc, il y a un projet de société auquel on doit être attentif. Et je pense qu'on ne l'est pas, parce que si l'État islamique, qui n'est ni un État ni islamique, a réussi une chose, c'est à nous faire vivre dans une paranoïa, dans une angoisse constante, qui fait que l'on est prêt à échanger, à accepter moins de liberté pour plus de sécurité. Et je trouvais très rassurant le discours de Jean-Michel, parce que moi je trouve qu'il y a assez de policiers dans les rues. Donc je dirais, je vois pas pour, il en faut pas plus. Je pense qu'on arrive à un stade où, enfin, je vois quand je suis à Moucron, tous les jours, je rencontre des policiers. On voit des voitures de police, donc il y a une présence qui est certaine, et je pense dans tous les quartiers. La sécurité, et il le soulignait aussi, c'est pas qu'une affaire de police. Si les rues sont propres, si elles sont éclairées correctement. Si les quartiers sont agréables, s'il y a des places ouvertes. Donc c'est l'aménagement du territoire, c'est un élément fondamental en matière de sécurité. Ce qui fait qu'on se sente en sécurité, c'est tout ça. D'autre part, je dirais parfois, on minimise les choses. Je vais donner un exemple. La vieille dame, il y en a chaque semaine, à qui on a volé son sac à main et qui a été traînée dans la rue. On dit que c'est de la petite criminalité. C'est peut-être de la petite criminalité pour celui qui lit le journal, mais pour elle, c'est énorme. Elle ne sortira peut-être plus jamais de chez elle. Elle est terrorisée. Donc, le sentiment de sécurité, il est parfois lié à des actes qui sont posés. Je me souviens d'une étudiante devant chez moi à qui on avait volé son porte-monnaie en sortant de l'école. Mais ça crée un sentiment d'insécurité pour tout le monde, même si c'est une petite chose. Donc, je crois qu'entre... Il faut trouver un équilibre. Mais notre société, en ce moment, elle n'est pas dans l'équilibre. On est tellement traumatisé par ce que l'on entend, et encore ici à Manchester, à juste titre, parce que c'est effrayant, que l'on a tendance à tout accepter et à créer un État qui est un État de plus en plus, je dirais de plus en plus policier, avec le risque de cette demande d'autorité, parce qu'il y a derrière une demande d'autorité, on le voit avec le Front National et d'autres partis, mais ça, tout ça, c'est, finalement, ce n'est pas un bon chemin pour un État démocratique. Donc ça mérite qu'on y réfléchisse. Et les propos de Jean-Michel me semblaient ceux d'un homme sage. Alfred Gaden ? Oui, mais moi je dirais naturellement la sécurité, c'est plus que jamais important. Je crois que la majorité, elle en est consciente tous les jours. Maintenant, il faut savoir que c'est un contexte qui est souvent difficile. Pourquoi ? Parce que on doit assumer toutes les responsabilités, hein, que ce soit les grosses manifestations. On va avoir bientôt des grosses manifestations au centre-ville. Demain, c'est le marché aux fleurs. On doit barricader ça avec des bordures. On met des policiers à tout casser. Il faut savoir aussi qu'il y a un gros souci, c'est que la commune met vraiment tout l'argent qu'il faut pour apporter cette sécurité. On va ici engager 3 nouveaux éducateurs de rue qu'on va encore mettre dans les rues. Contrairement à ce que Marianne dit, avec les jeunes, on y travaille beaucoup, puisqu'avec la frégate, on a plusieurs projets où les jeunes pourront peindre des murs. Je crois qu'ils sont occupés de proposer des endroits, mais c'est vrai qu'à cet endroit-là, on ne l'avait pas fait. Maintenant, il faut savoir qu'on a aussi des soucis. La sécurité, c'est aussi tous les jours. Moi, je vais prendre qu'un seul exemple, c'est ici tout près, le parking des Arts. Il est démoli tous les jours. Et c'est quand même pas le vieux pépé du coin qui le démolit. On a des preuves, on a des flagrants. Et il faut savoir que on y travaille sérieusement. On va mettre du gardiennage privé, rien que pour pouvoir réparer. Parce qu'on doit commencer par pouvoir réparer. Vous imaginez où est-ce qu'on va, là ? Donc on va mettre du gardiennage privé toutes les nuits, les gardiens de la paix pendant la journée, pour pouvoir réparer. Et une fois que ce sera réparé, on en aura nouveau. Parce que tous les jours, tout est cassé. Et je pense que c'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Il y a aussi une non-punition derrière. Moi, je ne suis pas pour la punition, mais il y a quand même des délinquances qui sont dans la rue, et on parle de petites délinquances, il n'y a pas de petites délinquances. Mais quand vous êtes agressé dans la rue, que la personne est ramenée à tourner et qui revient plus vite que le policier à Moucron, c'est quand même très décourageant, et c'est tous les jours qu'on vit des choses pareilles. Il y a aussi le fait que, actuellement, le commissaire l'a évoqué hier au conseil communal, il manque actuellement plus de 10 policiers à Moucron, pas parce qu'on n'a pas l'argent, on a l'argent, pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'il y a un manque de policiers. En plus, le fédéral, moi ça me fait parfois rigoler parce que le ministre de l'Intérieur, il dit on va renforcer à la mer, on va renforcer. Il prend encore des policiers moucronois et d'autres, hein, on est d'accord. Mais pendant qu'ils sont partis en mission, que ce soit à la mer ou ailleurs, mais malheureusement c'est pas pour aller à la mer, c'est pour surveiller ce qui se passe à la frontière, eh bien ils sont pas sur le terrain et donc naturellement c'est des récups. Moi je pense qu'il faudra travailler tous ensemble et c'est vrai que la sécurité c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi l'affaire. Moucron a apporté plus que les autres villes. Pourquoi ? Parce que dans les bureaux on a des administratifs plus qu'il ne faudrait, mais je crois que c'est nécessaire. On a des policiers de terrain, on a des gens de la rue. J'ai voulu garder cette brigade canine, elle est très faible, c'est trois chiens, mais c'est important de pouvoir encore assumer parce que dans les bagarres et tout on peut être très efficace. Moi, je pense que plus que jamais, la sécurité est à l'ordre du jour et on doit être attentif. Les caméras, on a fait un effort formidable, les caméras. On a tout renouvelé, le concept. On a maintenant une vision extraordinaire. On a beaucoup de choses qui sont découvertes grâce aux caméras. Il faudrait aller visiter. C'est impressionnant, les nouvelles caméras qu'on a maintenant. Et maintenant, chaque année, il y a un effort budgétaire qui est prévu pour augmenter les caméras. On va mettre maintenant à la frontière, il y a encore 2-3 frontières qui n'ont pas de caméras. Mais on ne saura pas mettre des caméras dans toutes les rues. Mais le travail efficace, avec aussi des personnes devant les caméras. Parce que nous avons la chance, à Moucron, d'avoir des personnes devant les caméras. Alors j'entends parfois des gens qui disent « ça ne sert à rien, les caméras, ils ne marchent pas ». C'est tout à fait faux. Les caméras, ils marchent super bien. Et d'ailleurs, on détecte beaucoup de choses. Donc je crois que c'est un tout. Mais la sécurité, c'est quelque chose qui ne sera jamais fini. Il faut continuer, il faut mettre le nécessaire, il faut apporter. Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas en mettant des policiers, encore que maintenant, on va voter un cadre supérieur. Pas pour augmenter le cadre, mais absolument pour retrouver des policiers en plus, parce qu'on a un gros souci. Vous savez, il y a des policiers qui préfèrent aller travailler parfois dans des grandes villes. C'est pas que Moucron est mal vu, mais nécessairement, il faut trouver des policiers pour amener. Et on a eu la chance pendant des années de récupérer d'excellents policiers qui a des Moucronois qui travaillaient à Bruxelles, hein, qui ont connu quand même des épisodes pas tristes dans certaines communes bruxelloises, eh bien, je vous assure, on était très heureux de les récupérer parce qu'il ne fallait même pas les former. Hein, ils avaient connu tous les... Et je pense que ce travail-là doit être continué. Et en tout cas, je peux vous assurer que la majorité et le bourgmestre en tête va être derrière plus que jamais ces policiers. Philippe Bracaval, vous voulez réagir ? Ben, simplement, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, évidemment. Oui, Christiane, c'est vrai que quand tu lis dans le journal qu'il y a une vieille dame qui s'est fait choper son sac dans une rue, c'est un sentiment d'insécurité. Mais quand c'est le tien des sacs qu'on pique, c'est pas tout à fait la même chose. Et je me souviens que ça t'était arrivé il y a quelques années, je te l'avais même dit. Et c'est vrai que il y a aussi, je pense qu'il y a un énorme sentiment d'insécurité parce que la moindre expérience est partagée, mais alors par les réseaux sociaux, ce qui fait qu'augmenter. Je vais parler d'un incident, mais qui est vraiment exceptionnel, qui s'est passé ici samedi sur un terrain de football, où il y a un garçon qui chote et qui démolit, hein, il n'y a pas d'autre terme, un autre qui joue au foot. Dans le cadre d'un tournoi amical où on participe à une activité sportive pour simplement s'amuser, il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est que le plaisir de jouer au foot. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu un taré qui a démoli un de nos jeunes qu'on va devoir tout modifier, les règlements qu'il va falloir des agents de police dans des stades et tout ça aussi. Parce que, bon, évidemment, il y a une limite à tout ça. Maintenant, un fait isolé, on n'empêchera jamais. Hein, monsieur le bourgmestre, quand on a des gens, et vous l'avez souligné aussi, quand il y a des gens qui volent des voitures en France et qui viennent les mettre, qui les font brûler du côté belge de la frontière, je comprends que les gens qui habitent dans la rue, qui voient des flammes et qui entendent péter des pneus pendant la nuit, ce soit évidemment inquiétant. Mais c'est difficile à contrôler. Il faut une collaboration. On n'empêchera jamais quelqu'un de voler une voiture à Lille ou à Tourcoing et de venir la brûler à Moucron, à moins de mettre des grilles. Hein, et on a pensé déjà à ça, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on va dire attention, attention quand on met des grilles. Oui, mais non, quand on fait, on se fait en guirlandais, quand on ne le fait pas, on dit ouais, vous ne faites rien. Quand on met de la police dans la rue, on dit on est dans un état policier. Quand on met personne, on dit vous savez, les attentats, t'as vu, ils n'ont rien fait à Manchester. Il y a 20 morts parce qu'on n'a pas bien contrôlé les gens. Parce qu'ici, il y a un endroit au monde où on contrôle par la CCTV, par toute une série de dispositifs, c'est l'Angleterre. Et malgré tout, il y a encore un illuminé, un cinglé qui passe là et qui fait tuer des enfants pour le plaisir qu'on en parle. Parce que c'est ça finalement. Et pendant qu'on est occupé d'en parler, ben, on fait de la propagande pour ces fous. Et on a tous fait cette propagande parce qu'on a tous été outrés, on a tous partagé nos émotions. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent à l'aise. Et on vient de le dire, il faut de la sécurité. Non seulement, il faut qu'ils fassent propre dans une rue, il faut qu'ils fassent éclairer. Je vais donner un exemple. On est occupé d'y remédier. Quand on passe dans la petite galerie entre la petite rue et la Renault, eh bien, la luminosité n'était pas idéale. Il y a un nouveau marché qui a été fait, un bon masque, je crois qu'il va un peu. Eh bien voilà, on pourra maintenant la nuit traverser cette galerie en sécurité parce qu'il y aura de la lumière. Et c'est vrai que c'est toutes des petites choses comme ça qui contribuent. Mais maintenant, quand on a des gosses qui viennent jouer sur la Renault parce qu'il fait chaud et qu'ils font du bruit jusqu'à 3 heures du matin parce qu'ils ne savent pas dormir et qu'ils ont envie de jouer, forcément, ils ne font rien. Traversent les gosses. Sauf qu'ils ennuient les personnes qui sont en haut, qui sont importunés parce qu'il y a du bruit, parce qu'ils vont avec leur planche à roulettes sur le mobilier public. Ça, c'est des nuisances. Et les gens, bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils téléphonent à la police en disant « Oh, c'est pas dormir parce que ceci et cela. » Et il faut faire quoi ? Et donc, on a un ça, c'est le sentiment d'insécurité. On a un sujet qui sera jamais vidé, à vous entendre, en tout cas. Enfin, on a compris, en tout cas, qu'il n'y avait pas l'envie d'en rester là au niveau de la sécurité, qu'il y avait une vraie réflexion. C'est le sentiment d'impunité. Ouais. Parce qu'il n'y a rien qui est plus énervant que de se faire piquer sa voiture ou n'importe quoi par quelqu'un qu'on voit partir dans la rue trois jours plus loin. Trois jours plus tard, en disant « Ben ouais, mais t'as, ils l'ont relâché. Hein. » Et ça, c'est extrêmement frustrant, non seulement pour celui à qui ça arrive, mais aussi pour le policier qui a fait son travail et qui s'est parfois mis en danger pour arrêter un gaillard comme ça. Donc c'est on va frustrant. Passer, désolé, hein, mais le temps, non, mais bon, le temps presse. Réalité. Nous allons passer à un autre sujet qui est la culture. Donc, d'après les chiffres du SPF, 14,7% du budget d'un ménage serait consacré en moyenne à la culture, les loisirs, l'horeca et les voyages. Ils ne font pas la distinction entre les différents postes, mais on peut aisément penser que la culture représente la part la plus infime de ce pourcentage. La culture serait-elle devenue un luxe ou n'est-elle simplement plus une priorité pour le citoyen ? Eh bien, on voudra avoir votre avis sur la question. Donc, la culture est-elle une des priorités de nos élus ? Et vous avez autant le temps d'y répondre maintenant que pour la sécurité, finalement, puisqu'on a un temps imparti pour... On a un peu concentré gouvernance et citoyenneté, mais je sais que la sécurité, c'est un sujet où on peut y aller, on peut faire 3h30 d'émission sans problème. Donc j'aimerais bien avoir un bon quart d'heure sur la culture. La sécurité. Oui, on est en sécurité ici. Hein. Alors, je repose ma question. La culture est-elle une des priorités de nos élus? Mais, oui, je veux bien répondre d'entrée de jeu. En tout cas, pour nous, c'est vraiment une priorité. C'est vraiment une priorité parce que ce qui nous lie en tant que groupe social, en tant que société, c'est à la fois des valeurs communes, il faut un minimum de valeurs communes pour faire société, et il faut de la culture. Mais on se heurte, moi je le vois, j'organise des conférences à Moucron régulièrement, avec Michel Franceuse, de temps en temps un spectacle, on vient de faire le gala cinématographique de lutte contre l'homophobie. Nous vivons dans une société où chaque citoyen est de plus en plus atomisé, tout seul devant son ordinateur, tout seul devant son écran, et c'est ça dont il a envie. Donc dire la culture, c'est un acte collectif, et ce que l'on veut, c'est que partager une vision commune, partager des idées, échanger, avoir un vrai projet culturel, c'est un peu aller à l'encontre de tout ce que Philippe dénonçait. C'est donc, quelque part, ça demande énormément de force, énormément d'énergie et aussi des moyens. Et je pense que la difficulté la plus fondamentale dans le secteur culturel, c'est l'absence de moyens. Et c'est pas seulement lié à la commune, c'est lié à un projet de société. Moi, je suis très présente à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quand je vois la manière dont les projets culturels sont financés, dont il faut se battre pour parfois, dans une discussion budgétaire, avoir des petites miettes en plus pour pouvoir financer le secteur, c'est clair que, en tout cas, même s'il y a une volonté, il n'y a pas cette conscience qu'il n'y a pas de société sans projet culturel et qu'il faut y mettre les moyens. Parce qu'on n'y met pas les moyens. Il faut être honnête. Enfin, je connais les difficultés que Christian a, je connais les difficultés de tous les directeurs de centres culturels. La culture vit de bout de ficelle et on lui demande de résoudre tous les problèmes de la société. Mais ça ne va pas ensemble. C'est un peu comme l'école. Il y a une espèce d'hypocrisie qui consiste à dire il faut de la culture, il faut faire des tas de choses et alimenter, et en même temps ne pas financer. Donc quand je dis ça, je n'ai pas de solution. Hein. Mais ce que je sais, c'est que je le vois ici, dans ce gouvernement-ci et dans les discussions budgétaires qui viennent, il y a des impulsions à donner, mais aujourd'hui, les impulsions, il faut choisir. Donc on demande aux opérateurs culturels de choisir. Or, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Puisqu'on est dans une période où on a déjà, d'un point de vue sociologique, du mal à amener du collectif, à amener les gens à se divertir ensemble, à venir à une fête de l'accordéon, à participer à des événements collectifs. Eh bien, il faudrait donner davantage de moyens. Je pense que là, il y a des choses à faire dans la commune et à tous les niveaux de pouvoir. Et il y a aussi à se renvoyer un peu le miroir. Marianne ? On aurait plein de choses à dire, parce que c'est vrai que la culture... L'antenne est libre. Vous, je ne sais pas. Pour nous, écolos, c'est quelque chose d'important. Je voudrais peut-être juste pointer une chose qui, pour nous écologistes, est importante. C'est que la culture ne soit pas à nouveau un lieu où il y a une dualisation de la société, à savoir ceux qui peuvent se permettre d'aller au spectacle, d'aller dans une maison de la culture parce qu'elles en ont les moyens, parce qu'elles se sentent suffisamment fières d'elles aussi, je veux dire, que pour affronter le regard des autres et pour pouvoir entrer dans des lieux de culture. Mais donc notre credo a toujours été aussi qu'en plus de ces lieux où on peut venir consommer entre guillemets de la culture, il faut aussi pouvoir amener la culture dans les quartiers, dans les entités, dans des quartiers qui sont peut-être parfois plus oubliés, mais ne pas oublier que ce soit par exemple les spectacles de rue, avoir toutes sortes d'initiatives aussi pour permettre aux gens là où ils sont finalement de découvrir d'autres formes d'expression culturelle et de pouvoir y participer. Parce que comme le disait Christiane Vienne, c'est un moyen aussi de favoriser le vivre ensemble avec quelque chose de très ludique, de festif, d'agréable à vivre. Et donc il faut pouvoir le faire avec tous les publics. Et par exemple, le travail que fait la bibliothèque, c'est quelque chose d'important, avec les petites antennes aussi dans les quartiers, avec le bibliobus, avec le fait d'aller faire des lectures aussi là où viennent les gens, par exemple, dans les consultations de l'ONE ou pour inciter les mamans à raconter des histoires aux enfants. Donc voilà, moi, c'est le point que je voulais souligner, c'était vraiment de Philippe, ne pas oublier de faire venir la culture chez les gens aussi. Philippe, peut-être, oui. Moi, je pense que l'offre culturelle à Moucron est suffisante, je veux dire, parce que tu parlais d'atomisation, moi je parlerai de microcosme. Il m'arrive fréquemment de visiter les expositions de peinture ou ces choses-là. Et puis quand je rassemble les gens que je vois là, et ceux qui s'intéressent à la photo, et ceux qui s'intéressent à l'art, et ceux qui s'intéressent à la radio, et ceux qui s'intéressent à toute une série d'autres formes de culture, celles qui viennent au Staquet régulièrement, celles qui vont au théâtre moucronois. Si on met toutes ces personnes ensemble, ça fait énormément de monde. Il fut une époque où nous n'avions pas d'Académie des Beaux-Arts, par exemple. Nous avons créé depuis lors une Académie des Beaux-Arts. C'est aussi une manière d'amener les gens vers la culture ou vers l'expression artistique. Et je pense que là aussi, l'école, mais on ne peut pas demander à l'école de résoudre l'ensemble des problèmes. C'est pour ça que le fait d'avoir créé une académie était une bonne chose. C'était de permettre justement, par l'apprentissage, quand on comprend, quand on fait, quand on apprend à peindre, quand on apprend à faire de la musique, eh bien forcément, on devient beaucoup moins hermétique à ce qu'on nous propose et que le citoyen lambda, qui n'a pas eu cette préformation, ne comprend pas. Et nous avons dans une vie antérieure également proposé donc la décentralisation vers des entités plus petites telles que des quartiers, ceci et cela. Mais là aussi, le problème, c'est que cette dualisation, elle est quelque part réelle, parce que quand on ne sait pas ce qu'on va manger, si on va manger, on loge dans des mauvaises conditions, je pense que la culture, c'est le dernier de ses soucis. Et la seule culture qu'on a à ce moment-là pour oublier, c'est de regarder la télévision et des films où on a l'impression de s'évader un petit peu. Et donc voilà, je pense que la grande théorie, ça c'est parfait, mais dans la réalité, les gens se détournent de la culture tout simplement parce qu'ils ont d'autres soucis que ça dans leur vie de tous les jours. Monsieur le bourgmestre ? Oui, mais moi je crois que avec notre échelon de la culture, mais aussi le service culturel, et à Moucron en tout cas, on ne devrait pas s'en plaindre. Je sais que c'est souvent décourageant parce que je me mets à leur place. On voit parfois le succès de certaines initiatives qui sont pourtant extraordinaires. Marianne a parlé de la bibliothèque et je sais que les petites bibliothèques, ça marche très bien aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un système de la bibliothèque centrale qui dépanne très vite. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans une petite bibliothèque et demander un livre qu'ils n'ont pas. Je sais que la semaine d'après, vous l'avez même parfois deux jours après. Il y a aussi le fait qu'on doit aller dans ces quartiers. Je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas dire que la culture, c'est le centre-ville ou c'est le Staquet ou c'est autre chose. Maintenant, c'est vrai que je les comprends quand ils font une exposition de peinture qui n'est pas extraordinaire, mais qu'est-ce que c'est qu'une exposition de peinture qui n'est pas extraordinaire ? Je crois que toute exposition de peinture ou autre chose est méritante. Et donc, on doit continuer, parce qu'il faut semer pour récolter, mais il faut aussi... C'est décourageant, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'activités, hein, moi qui vais à beaucoup d'histoires, il y a parfois tellement d'activités dans cette ville de Moucron que c'est aussi un choix des gens. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui aime bien sortir, ben, il doit choisir entre le sport, la culture, d'autres choses. Et donc, à certains moments, parfois, je comprends que le culturel est découragé. Mais je crois qu'en tout cas, il y a un réel effort à Moucron qui n'est pas toujours réussi dans le sens où il n'y a pas la grande foule, mais il y a surtout des connaisseurs. Et je crois que c'est important. Vous n'aurez jamais un centre culturel qui sera plein à craquer, sauf parfois pour des grandes occasions. Mais je crois que le principal, c'est de continuer ce combat de la culture. La culture est un sujet important à Moucron. Bien, voilà. Alors, merci en tout cas pour vos réactions. C'était un fameux sujet, hein. Gouvernance et citoyenneté, ah, oui. Franchement. Ça va clôturer, mais ça va presque clôturer l'ensemble des débats. Moi, je vais profiter quand même pour faire, parce qu'après, ça va filer aussi, pour saluer, puisqu'on parlait de culture, on parlait d'action, on parlait de gens qui sont investis. Pour chaque émission, il y a 12 personnes issues soit du Centre culturel moucronois, soit de la ville de Moucron, soit ici des murs, et merci les copains qui sont derrière encore. Voilà, salut. Il y a 12 personnes qui ont participé à cette création de chaque émission. On a eu le temps, vous l'avez compris, sans publicité, sans arrêt, sans qu'on vous coupe la parole, sans un journaliste qui essaie de vous faire dire le mot que vous voulez au moment où vous voulez. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer. Il y a de la culture ici à Moucron, il y a aussi de la liberté, donc merci d'y avoir participé. On va passer un titre, ça va être Chaka Ponk. Ça, c'est pour Christophe qui note tout. Et puis, on va inviter notre dernier invité, et non, et pas des moindres, hein, pas des moindres. Voilà, merci en tout cas. Ouais, c'est bon. C'est bon là. Bon, bah, vous êtes toujours sur RQC. Tu sens que c'est la fin quand c'est comme oui, ça. Bah, oui. Alors, vient à présent nous rejoindre autour de la table celui qui a tenu les rênes administratives de la ville de Moucron pendant 27 ans. Il a côtoyé plusieurs bourgmestres, plusieurs échevins, plusieurs majorités. Il est notre expert ce soir. Je parle bien sûr du directeur général de la ville de Moucron, tout fraîchement retraité, Christian Delard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'avez-vous retenu de cette soirée longue et très intéressante ? Effectivement. Bon, la première chose que je veux épingler, c'est que la qualification d'expert me perturbe un peu. Je ne la revendique pas. C'est un choix. Chacun jugera après la prestation. Témoin, on va dire. Voilà, je préfère. Alors, c'était bien évidemment un débat un peu similaire à ce que j'ai pu vivre en séance du Conseil pendant de nombreuses années, avec des côtés positifs, des côtés négatifs. Du côté négatif, je dirais qu'on reste dans la césure majorité-opposition. C'est peut-être un peu dommage. On sent que ceux qui ont le pouvoir en connaissent les limites, et donc les limites des moyens notamment, que ceux qui ont participé au pouvoir en conservent la mémoire, notamment par rapport au pragmatisme lié aux moyens, et que les autres bon, sont un peu toujours dans l'utopie, voire dans le chiche des pacap. Ceci dit, un débat, c'est toujours porteur, surtout quand il est fait dans la convivialité, comme c'était le cas ce soir. Et l'utopie, quoi qu'on en dise, est utile et nécessaire. Alors, le débat, ben, il permet à certains de confirmer ou pas la pertinence des options qu'ils ont prises, la manière de les traiter, ou, le cas échéant, de générer des idées nouvelles, et c'est là que l'utopie devient intéressante. Alors, on peut alors aborder thème par thème. J'ai essayé de ressortir la substantifique moelle de chacune des interventions. Pour le point de vue économique, je retiens que, malgré les formations déjà mises en œuvre, on est encore à la recherche de formations qualifiantes, notamment pour le tertiaire. J'ai bien aimé la proposition relative à la maîtrise des langues et celle relative aux initiatives innovantes, notamment sur les espaces de travail partagés. Malheureusement, il me semble que ce n'est pas un pouvoir communal nécessairement à les mettre en œuvre. Peut-être faut-il aller sonner du côté des chambres de commerce et d'industrie, qui doivent avoir une meilleure perception des besoins et donc de la façon d'y répondre. J'ai entendu avec plaisir que l'aide à l'emploi allait faire l'objet d'une refonte en région wallonne. Eh bien, il était temps, c'est une bonne chose. J'ai bien aimé aussi la suggestion d'adapter l'enseignement scolaire au constat qu'une carrière professionnelle n'est plus linéaire. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose, c'est un constat auquel la réaction n'a pas encore répondu. À propos de la formation en entreprise, on a évoqué tout ce qui se fait. Cependant, je n'ai pas entendu parler d'une initiative qui me plaît bien, qui est une initiative du CHOC, du Centre du Hainaut Occidental pour la qualité, et qui est dénommée Binôme pour un job, qui obtient des résultats dans le Tournaisis et qui pourrait être assez facilement reproduit chez nous. Alors, à propos de la mobilité ferroviaire, cher à Simon, on peut comprendre que les Moucronois entendent rejoindre Bruxelles rapidement et en revenir rapidement et confortablement. C'est un combat que l'on peut comprendre et que l'on peut mener, mais on peut aussi imaginer que les Bruxellois ne l'entendent pas nécessairement de la même oreille, que pour eux, l'emploi des Bruxellois, c'est pour les Bruxellois, et que si on peut freiner la mobilité, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Pour conclure, alors, sur le point économique et commerce, je suis assez d'accord avec l'idée que le projet centre-ville est un projet communal et un projet des commerçants, ce qui n'est pas le cas du projet Mosaïque, qui est un projet de commerçants seuls. Ceci dit, qui fait le commerce si ce n'est le client ? Et il faut bien admettre que le client est quelqu'un d'éminemment versatile. Voilà pour ce qui était de l'économique. Pour ce qui est du volet social, bon, on a surtout parlé du logement, même si on a répété que l'accompagnement social, c'est être à l'écoute et donc à la recherche d'une solution à chaque problème. On a aussi un peu parlé de l'enseignement, en évoquant l'enseignement différencié, créé pour donner plus de chances à ceux qui démarrent mal. On a assez vite embrayé sur le logement. Et par analogie, on a dit que l'attribution des logements sociaux ou quasi-sociaux était aussi différenciée. C'est vrai que les critères d'attribution de chaque opérateur sont différents, d'où la nécessité du guichet unique, la nécessité d'un dialogue. Là, j'ai peut-être un regret, c'est de constater que plus personne ne parle d'ancrage communal, alors qu'à un moment donné, donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années, la région wallonne avait suggéré la mise en œuvre et financé la mise en œuvre de ce qu'ils appelaient l'ancrage communal, qui était en fait la mise en œuvre d'un guichet unique de facto. Naturellement, maintenant, rien n'empêche, je dirais, aux communes et à tous les acteurs en matière de logement d'entretenir ce dialogue et de créer ce guichet unique ou d'alimenter ce guichet unique, notamment celui qui a été mis en œuvre par les affaires sociales. Alors j'ai retenu que la SLM fait du bon boulot, il manquerait plus que ça. Je crois que tous les autres opérateurs, et on les a tous cités, me semble-t-il, le font aussi. Mais un constat récurrent, c'est que tous manquent de moyens pour atteindre leurs véritables objectifs. En matière d'environnement, et au fur et à mesure des thèmes, mon résumé est de plus en plus succinct. En matière d'environnement, bon, j'ai bien aimé la synthèse préalable qui a été faite et qui était d'une densité exceptionnelle. Hein. C'était remarquable. Je retiens une chose, c'est qu'il faut changer ses habitudes pour préserver l'environnement. Et je trouve que résumé comme ça, c'est extrêmement bien dit. La responsabilité de chacun est engagée. La déchetterie, elle doit évoluer, c'est un fait. J'ai appris avec intérêt qu'elle ne va pas disparaître, mais qu'on travaille à en réduire l'impact. Et donc, je serai, comme chaque citoyen, observateur de l'évolution possible. Ensuite, on a abordé, mais me semble-t-il de façon un peu trop timide, que l'on mettra sur le manque, on mettra la responsabilité sur le manque de temps. C'est la monnaie locale, la réduction des déchets au sens large et les circuits courts. Mais au moins, on en a parlé et on sait que c'est une préoccupation de tout un groupe, de toute une équipe. Je regrette qu'on n'ait pas parlé de la COPEM, cette coopérative Énergie Moucron qui vient d'être créée. Elle est créée en faveur des citoyens qui veulent contribuer à la réduction des émissions de CO2 par la pose notamment de panneaux photovoltaïques. Ça crée aussi de l'emploi ou du maintien de l'emploi. Et je pense que ça a le mérite d'exister. Pour ceux que ça intéresse, rendez-vous sur copem.be. Et puis alors, vous avez, voilà, vous avez conclu avec gouvernance et citoyenneté. Je préfère zapper sur tout le débat qui est relatif au vote des Français lors des présidentielles. Je crois que tout a été dit à ce sujet. Je retiens cependant la nécessaire éducation au vivre ensemble. Je pense que tout est dit et cela a été très souvent illustré. Cette nécessité a été très souvent illustrée par tous les intervenants. À propos de la sécurité, je suis toujours séduit par cette vue plurielle de Jean-Michel Joseph en maîtrise d'insécurité ou plutôt de sentiment d'insécurité. Sa vision et la façon dont il s'exprime ouvrent des perspectives intéressantes qui, finalement, ont pratiquement toutes été reprises par les différents intervenants qui confirment donc le bien fondé de ces réflexions. On a très vite et très peu parlé de justice. Il est un fait que ce n'est pas non plus une matière communale. On n'a fait qu'évoquer l'impunité. Il y a là effectivement un beau sujet de réflexion à mener pour l'avenir. À propos de culture, bon, elle a été évoquée sous toutes ses formes d'expression, avec tout ce qu'elle offre pour répondre aux besoins et aux maux de la société, mais avec un triste constat, c'est toujours le manque de moyens pour faire mieux et l'inadéquation des politiques mises en œuvre avec les réalités locales et les besoins locaux en matière de culture à vocation sociale. Mais si la conscience de cela existe, on peut considérer qu'on est sur la bonne voie. Enfin, et pour conclure la conclusion, je crois qu'il y a matière à d'autres émissions similaires, car si on a entendu beaucoup de choses, j'ai le sentiment qu'on ne nous a pas tout dit. Ah, magnifique, magnifique. magnifique conclusion. Bravo, Christian Delard. Merci, en tout cas. Allez, on laisse le mot de la toute fin à nos deux politologues en herbe, de service. Christian, en herbe. Alors, Christian et Philippe, alors les yeux. Soyons fous. T'en as deux, si tu veux. T'as la politique politique et la politique politicienne. Ah ouais, c'est un peu comme l'esthétique esthétique et l'esthétique esthéticienne. Voilà. T'as été voté ? Non, il pleuvait. Mais j'ai regardé les résultats à la télé. Et alors ? C'était chiant. Finalement, j'ai bien fait de pourrioler. On enlève à gauche pour mettre à droite. Le progrès, ce serait de rien mettre à la place. Et avec la droite, ça va changer. Ta droite ? Elle rajoutera pas des points à la coccinelle. Hein. Bon, allez, j'arrête là. Ma femme, elle dit que je suis con. Ouais, t'inquiète, la mienne dit le même. Alors voilà, bravo messieurs. Ouais. Voilà donc qui clôture les 5 rendez-vous de On ne vous a pas tout dit. Nous sommes bien conscients de ne pas avoir fait le tour complet de la question, n'est-ce pas Rico ? Et nous espérons avoir suscité le débat, des réflexions. Voilà, merci à nos invités depuis le mois de janvier. Merci au public dans la salle, aux chers auditeurs qui tiennent peut-être encore le coup maintenant, on ne sait pas. L'émission sera sur rqc.be, on pourra réécouter ça par morceaux et à son aise. Voilà, on peut prendre le temps. Aussi, il faut parfois prendre le temps. Et sur le site du Centre culturel Moucronois également. Et sur le site du Centre culturel Moucronois aussi, parce que bah, voilà, on fait tout très bien ensemble. Un grand merci à tous les gens qui étaient derrière. J'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis une fois, je le radote, c'est normal, il est tard. Bonne soirée, amusez-vous bien. Un grand merci, Séverine, pour tout. Oh, c'est un plaisir, Rico. Et je pense qu'on garde nos boudous demain. Ça va aller. Je sais pas, ouais, on n'est pas aux archives. On ne vous a pas tout dit. On ne vous a pas tout dit. J'ai volé pendant des années, au-dessus de tout soupçon, bouffé à tous les râteliers. Pour le bien de la nation, j'étais l'élu, le magnifique, jeune loup dans le Gotha, le joyau de la République. J'étais le garant de vos lois, et voici qu'on frappe à ma porte, comme l'animal que l'on débusque. Pourquoi me traiter de la sorte ? De quoi m'accusait-on au juste ? Quelques détournements de fond, fiscalité frauduleuse, les erreurs de facturation de mes heures les plus généreuses. J'aurais bien resté encore un peu, mais il semble que ces messieurs attendent des aveux, mes adieux. Quoi qu'il arrive, je reviendrai, les tempes grises, la tête haute. Vos cerveaux lavaient du souvenir de mes impardonnables fautes. De mes cendres, je renaîtrai, je serai le phénix de ces hôtes. Quoi qu'il arrive, je reviendrai à marée haute. Faiblesse, bourreau, confiance, j'en ai usé, abusé, j'ai partousé dans la finance. Vous baisant de force de gré, devant les juges incorruptibles, ma vérité éclatera. Et si la morale est sordide, dans quelque temps on en ira. Je naviguerai bien encore un peu, de compte en Suisse en contentieux, que l'on oublie un peu parmi les dieux. Quoi qu'il arrive, je reviendrai, les tempes grises, la tête haute. Vos cerveaux lavaient du souvenir de mes impardonnables fautes. De mes cendres, je renaîtrai, je serai le phénix de ces hôtes. Quoi qu'il arrive, je reviendrai. Encore un peu. semble que ces messieurs